On peut faire des chansons de Smash Interactive avec. Ouais, bien sûr. Ouais. Oh la vache! Ah, je peux faire que la base. Alors moi, je fais tout Jimmy Chamberlain à la canette. Au choix, la canette. Je fais la canette. C'est dur, mais c'est incroyable. En plus, de faire c'est du Jimmy Chamberlain. Moi, je vais parler comme Billy. Alors... Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde! C'est de la merde. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Riff Machine. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Panda. Allez, on récorde vocal, ça va pas là ce soir. Bah, j'ai coincé dans le nez comme Billy. Ouais, on va parler de Billy. Hein. Du coup, ouais. Nelson. Bah, Nelson est là. Hein. Toujours en présent. Et bah, tout le monde va parler comme ça, ça va être très bien. Ah, j'ai vraiment d'adore. Et Théo avec oui, nous. Oui, je suis là aussi. Ça va, t'as fait bon voyage. J'ai fait un long voyage. Un long voyage pour venir un ici. Un long voyage, ouais. Voilà. Ah, voilà, pour parler de ça. Bref, moi c'est Romain et ce soir, on part à Chicago rejoindre les sœurs siamoises de nos rêves et s'écraser comme des citrouilles avec un sentiment de mélancolie que l'on adore. Bref, on va parler de Smashing Pumpkins. Un petit épisode sur les Smashing Pumpkins, ça fait du bien après quand même des épisodes très très lourds hein, sur des trucs très vénères. Hein, je pense que non, ça fait pas du bien à tout le monde. Le black metal, non? Ah, le black metal, c'est quand même vachement dur. On n'est pas sorti indemne. Ouais, on n'avait pas sorti. Ouais, c'était pas cool. On a failli splitter. Eh ben, on a failli arrêter. Hein. C'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup pris la tête. Hein. Ouais. Bah, c'était surtout après le cinquième salut nazi de Théo. Quoi. Ah bah là, ouais, ouais, ouais, ça m'a commencé à m'agacer. Il y avait le quatrième en photo en fait à l'orgie. En plus, ouais. Les gens s'agacent. Ouais, les photos ont fuité, c'était énorme. Alors, j'ai eu honte. Hein. Avec Baba qui brandissait un panneau White Power là. Ouais, c'était chiant. C'est quand même aller un peu loin, un peu ridicule. Ouais, ouais, ça va être un peu plus sympa. Ah, ça va être un peu plus sympa quand même. J'ai la légèreté des années 90. Ah, les années 90, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. On va parler de notre première rencontre avec Smashing. Et j'ai envie de me tourner vers toi, Théo, parce qu'on n'en a jamais parlé de Smashing. J'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Alors, pas ton avis, en tout cas, ton expérience avec Smashing. Moi, quand j'étais petit, je sais plus si c'est parce que mon grand frère avait ça ou si je l'avais récupéré quelque part. J'avais découvert la. J'avais une cassette de Melancholy and the Infinite Sadness. La fameuse double cassette. Donc en fait, c'est ce que je me dis. Je pense qu'en fait, j'avais une cassette des deux. Je pense que j'avais la première. T'en avais qu'une sur deux. Je l'aimais bien, ouais, parce que je pense que c'était en format double cassette, hein, c'est ça, j'imagine. Ouais, et du coup, je l'écoutais un peu, et je me souviens qu'à l'époque, j'aimais déjà pas mal ça, mais je trouvais déjà le truc trop long. Imaginez-vous, la seule face, je la trouvais trop long. Voilà. Mais ça me faisait bien. Mais là, je vous parle d'un temps où j'avais genre 8-10 ans, et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris en fait par hasard que Siamese Dream fait partie des rares albums qui sur Pitchfork ont été notés 10 sur 10. Pitchfork, le site américain qui les note. Ah oui, c'est important. Et un 10 sur 10 sur Pitchfork, ça veut dire que du coup l'album est genre un des 10 meilleurs albums du monde, quoi. Tu vois, ah oui, moi je suis allé voir sur Pitchfork les albums que j'aimais bien. Selon Pitchfork, voilà, selon des parfois des snobs, mais bon, moi je le reconnais. C'est quand même assez snob Pitchfork. C'est quoi ça? Mais en fait, je connais très peu. C'est un site américain. Ça fonctionne comme le système de notation qui donne des triple A au pays là. Je t'ai dit 10 sur 10, ça fait. Ouais, ça tu veux dire un système de notation obscur? Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Ouais, mais bon, du coup, je m'étais intéressé à Audi, je l'avais écouté en entier, j'avais trop kiffé ça, c'était il y a quoi, un an? Pour moi, Smashing Pumpkins, c'est deux albums que j'avais écoutés jusque-là en fait, et Melancholy qui était quand j'étais petit, et puis forcément avec les clips sur la TV et tout. Oui, c'est un truc que t'as vu passer à la télé, quoi. Je vois quand même un petit peu ce que c'est. Oui, ça c'est. Mais voilà, et Siamese Dream, j'avais adoré, et donc. Voilà, c'est bien rentré. Mais voilà, Smashing Pumpkins, finalement, je ne connaissais pas très très bien avant de devoir faire mes devoirs pour l'émission. Eh ben, on va en apprendre beaucoup. Panda, demande à Nelson d'abord, j'ai un rond qui passe pas. Ah, Alors, moi, Nelson. Moi, c'est, c'est encore un peu flou parce que souvent les époques des albums. Bah, surtout, t'étais petit, hein. Ouais. Alors, je pense que c'est. T'avais pas China et t'as. Et on t'avait prêté, Romain, donc mon frère, on t'avait prêté Adore. Ouais, exact. Ouais. 98 ans. Et c'est à l'époque où Machina était sorti, donc on avait les magazines et tout, c'était, ça sortait, c'était, j'avais adoré le single Everlasting Gaze. Mmh. Oui, c'est vrai, je me souviens que t'avais bien kiffé. Ça. On après, on n'avait pas eu d'autres albums, à part, on t'avait prêté Adore, mais j'avais, ça n'a pas parlé, c'était un peu trop pop, trop. Pas assez efficace. Bah, moi, j'ai pas mal baillé celui-là. Hein. Et en cinquième, un certain Nicolas Benoît, il m'avait gravé le CD Mélancolie. Et il pensait que le groupe s'appelait Melancholy, d'ailleurs il a fait une petite erreur, hein, sans... Ça reste dès qu'il a sorti l'album On the Infinite Sadness. Mais Melancholy, c'est pas un groupe de punk d'ailleurs. Melancholy, ouais. Melancholy. Donc du coup, ouais, c'était plutôt en 6ème, où à part Machina que j'ai découvert. J'ai découvert Melancholy. Mais c'est pas moi qui te l'avais prêté d'ailleurs, Mélancolie, parce que... Non, moi j'ai pas de souvenir... Je t'avais pas prêté non, ça. Non, on te l'avait peut-être prêté après, Nicolas nous l'avait gravé. En fait, les Smashies, c'est un groupe, comme disait Théo, c'est un truc que tu connais, t'avais l'équipe classée au top 50, etc. Donc tu savais, tu connaissais le groupe. Moi j'avais toujours eu un peu de mal avec la voix, donc j'avais pas toujours prêté une oreille attentive sur ce groupe-là. Et comme tu disais tout à l'heure, donc on m'avait prêté Adore, que j'avais complètement baillé, parce que un album chiant et pas très rock, surtout que moi à l'époque. La pochette m'avait marqué. La pochette était jolie, ouais. Parce que je trouvais ça un peu goth et on écoutait Manson et tout ça. Ouais, forcément. Mais l'album, je trouvais un peu chiant. Moi, je cherchais des trucs un peu plus bourrins et là, c'était du coup sur le premier album en entier. Oui, c'est pas un bon album. De Smashing qui était hyper chiant, etc. Deux ans après, t'as Machina qui sortait, que je trouvais un petit peu plus sympa, toujours très goth. Donc, du coup, c'était en 2000 où Machina était sorti et j'avais retrouvé un côté plus rock que j'avais déjà entendu en années 90. Et qui était un album qui m'a beaucoup plu, mais j'avais une copine à l'époque qui avait l'album Mélancholy, qui m'avait prêté, et là par contre c'était... À ce moment-là, je me dis, oh, putain, c'est vraiment un groupe super cool. T'avais une copine à l'époque ? Ouais, j'avais une copine à l'époque, ouais. Quoi, c'était la tête ? C'était plus sombre aussi, c'était peut-être dans... Machina était plus sombre. À l'époque, en fait, c'était plus sombre, mais Mélancholy, on en parlera. Je crois que c'est à ce moment-là, vraiment, où je suis vraiment, vraiment intéressé sérieusement à ce machin. Panda, ton rôle est passé, tu peux nous... Oui, c'est bon. Allez. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, c'était quoi la question ? La question, c'était comment... c'était pourquoi la Terre est plate ? Alors, moi, ça aurait été génial qu'il réponde, bah moi, j'ai connu Smashing Pumpkins quand... Quand la Terre était encore plate. Non, mais... Ah, putain ! qu'il fasse comme si c'était la question. Ta première rencontre avec Smashing. Donc, t'es reparti. Les premiers émois avec Smashing Pumpkins. Eh bien, c'était un été, en 1996. Tu sais que tu vas encore te taper une musique... C'était un peu plus long, pardon. Il va y avoir ça. Tu masturbais combien de fois par jour en 96? Ah putain. Ah non, c'est bien, on peut mettre un alcool pour Anal Trump, c'est bien aussi. Ils ont fait pas mal de bruit. Tu te branlais sur un alcool? Non, c'est sur les pochettes. Comme ça, la sur les pochettes. Tu branlais sur les pochettes d'un alcool, leur passer la porte. Les gars, ils étaient comme ça. Ah oui, putain, prends l'absus. Oh monsieur. C'était dégueulasse. En écoutant au cast, c'était horrible. Sa mère rentrait. Théo, qu'est-ce que tu fais? J'écoute la Wave Machine. Mais non, c'est tout. C'est ma purge annuelle. Vas-y, maman, je me vide et tout. Non, j'ai décidé de le faire tout seul cette année. Non, bah, après. Oh, c'est horrible. Bon, c'est affreux. Allez, vas-y, enchaîner quand même. Allez, je mets quoi? J'espère que ta mère écoute un podcast. Ah non, j'ai repéré l'année. Ah ça y est, attends, j'ai fait une addition, c'est 15 plus 1983, mon année de naissance. Eh bien, ça donne tout simplement 1998, cette fameuse année où les Bleus ont gagné. Oh, c'était quand même une belle année. Hein. Et grâce à MTV et puis l'arrivée d'Internet et puis des CD gravés, eh bien on se diffusait un petit peu plus les clips en fait comme ça. Mais c'était dans un CD, une sorte de compile de clips rock, metal, etc. Dedans, il y avait du Smashing Pumpkins et c'était à l'époque où je traînais beaucoup dans les salles de jeux en réseau. Et quand j'allais là-bas, en fait, il y avait un pote, enfin qui n'était pas un pote à la base, quoi, quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, il devait avoir 8 ans de plus, un truc comme ça, mais il était super sympa. Bah, tu sais, quand t'as 16 ans, ouais. Ah, c'est 15-16 ouais. ans, ça fait. Tu sais, quand t'as un pote qui a la vingtaine, tu dis, hey, je suis copain avec un vieux, quoi. Avec un grand. Avec un grand. Et donc, il m'avait prêté ce CD, parce que moi, je lui passais des films, je sais pas quoi. Et puis, donc, j'ai découvert les Smashing Pumpkins comme ça avec. The One in the Vampire. Bah, un gros classique quoi, mais après du coup j'avais bien kiffé, il m'avait prêté quelques albums, et quelques albums, le Melancholy and Infinite Sadness, qu'on va appeler Melon, pour plus de facilité. Il va l'avoir avec Melancholy, ça Billy il va l'avoir le Melon. On a checké ensemble. Et j'avais énormément apprécié, d'autant plus que la même année, les Bleus ont gagné. Ironie du sort. Ironie du sort, je découvre les Smashing et les Bleus ont gagné. Si c'était quand même pas une belle année, merde. Allez bref, on avance. Donc du coup, c'est en 1988 à Chicago que William Patrick Corgan et James Yoshinobu Iya. Aya. Ah, tu croyais qu'on allait faire une blague raciste, hein. J'attendais une vanne. J'attendais une vanne. Il tient quel bureau de tabac celui-là? Oh putain. Oh la vache. Oh putain. C'est un seul raciste en plus, c'est ignorant. C'est Japon. Ah mais c'est les Chinois du Japon, pardon, c'est ça que t'allais raconter après, c'est ça. Ah oui, au Japon c'est pas les mêmes Chinois. C'est pas les mêmes Chinois, faut voir que ça fait pas pareil. Vous vous rendez pas compte, ouais. Si vous voyez ma tronche, je kiffe trop ma blague quoi, t'sais. Tu te rouges, j'arrive pas à parler. T'as les yeux qui pétillaient, hein. Pas besoin. J'ai pas besoin de parler plus vite. D'ailleurs, tes verres de lunettes sont brisés. Hein, oui, oui. C'est horreur. Alors, c'est en 1988 à Chicago que William Patrick Corgan et James Yoshinobu Iya fondent Smashing Pumpkins. Il y en a un qui rigole derrière parce que je sens qu'il a envie d'acheter des clopes au tabac. Oh putain. Alors bref, le duo commence à écrire des titres très influencés New Wave, qu'ils interprètent sur scène en formation basse-guitare, accompagnée d'une boîte à rythme. Ils recrutent un peu plus tard la bassiste Darcy Vretsky. Alors je sais pas comment on prononce. On va prononcer ça, Darcy. On peut dire, mais par contre, comment est-ce qu'il la recrute et pourquoi est-ce qu'il la Alors, recrute Alors, il la recrute, je crois, à la sortie d'un concert. Un concert que Billy Corgan et Darcy avaient vu ensemble. Enfin, ils étaient pas ensemble à ce moment-là, c'est et en fait, à la fin, ils se prennent la tête sur le groupe qui jouait. Je crois même que c'est... Ils avaient chacun des arguments, ils avaient chacun leur opinion. Ils parlaient dans un groupe très célèbre à l'époque aux États-Unis, ça s'appelle Dan Reed Network. C'est ça. C'est un espèce de groupe de fun, un peu funk rock, funk punk un peu. Et les gars bougeaient trop de ouf et tout, et apparemment, Billy Corgan, il était trop avec ses potes en train de dire « Mais ça, de toute façon, c'est un groupe nul, regarde, c'est tout, il est très majeur, il explique quoi faire et tout. » Et Darcy était trop pas d'accord. Elle s'est intégrée dans la conversation, elle a dit mais pas du tout, moi je trouve que c'est. On peut totalement bouger comme ça en jouant. Et ils sont vraiment vénères sur le groupe parce qu'en plus Billy Corgan devait dire que c'était un groupe vendu et elle devait dire pas plus que n'importe qui d'autre. Elle était déjà chiant Billy hein. Et il était déjà chiant, voilà, et parce que déjà voilà comme ça. Mais en fait c'est une petite anecdote de merde, mais ça veut déjà dire que quand ils se rencontrent, ils se rencontrent comme ça, et à l'issue de cet angle-là, ils conviennent quand même que lui il a besoin d'une bassiste, elle lui dit qu'elle fait de la basse au moins aussi bien que les mecs de ce groupe-là. C'est ça, ouais. Et c'est comme ça qu'ils l'ont rencontré. Mais c'est vrai que j'avais lu cette histoire dit qu'elle a fait une répète catastrophique. Après, mais qui l'ont pris quand même, et en fait, bah, la suite nous aura sans doute donné un jeu. Apparemment, ouais. Ouais, le mec, Billy, il a sorti une liste de 50 chansons, il a fait tiens, t'apprends ça pour la première fois. Ouais, pareil en plus. Ouais, genre, exactement. Le mec, il a une cinquantaine de chansons. Ouais, mais Billy, c'est un pondeur quoi. Peut-être pas 50 chansons, mais en tout cas, ouais, il avait une liste de chansons à lui donner en disant genre voilà, tu prends tout ça, mais il en avait plein quoi. Ouais. On avait pas mal. On a eu 50. Ok. No difference to me. Mais en tout cas, c'est sur cette espèce de prise de bec, on va dire, qu'ils recrutent donc du coup. Ouais, Darcy. Voilà, mais du coup, ils ont toujours pas de batteur. Mais vraiment, ils ont toujours pas de batteur. Ouais. Et en fait, c'est après un dernier show en trio, donc deux guitares, chant, basse, où en fait. La boîte arrive, en fait, bon, bah, ça commence à les faire chier. En fait, ils se rendaient compte, il nous faut un batteur. Bah, en fait, ça donne le ton sur ce qu'ils sont, c'est très new wave, c'est ça, merci. Le côté boîte arrive, c'est très froid, même dans le son de la basse, c'est du chorus dessus. Enfin, c'est très marqué, on sent le style, tu vois, c'est fin 80. Oui, c'est un peu pas du tout dans. Ouais, voilà, ça, ils adorent, ils ont tous ça. Oui. Vas-y, tu vois. Je rebondis sur ce qu'ils disaient en fait. Leur son était totalement new wave au départ. Et leur compo aussi. Et la voix, la suite. Ouais. Pardon, la voix. La voix qui est un peu timide. On ne ressent pas la voix de Billy Corgan. Ouais, il chante pas encore comme nous. On l'entend aujourd'hui. Ouais, hein, c'est pas encore assez. Exactement. Ouais, il tâtonne, hein, c'est le début. Bah, il chante. Ouais. Et donc après ses premières démos, ça donnait quelque chose de totalement différent en fait de ce qu'on pouvait s'attendre par rapport à ce qu'ils avaient fait au départ. Quoi, ouais. Et James, ouais. il sort déjà avec Darcy ou Alors non, non, il y a pas encore. Non, ça vient plus tard ça. Parce que ça y est direct les potins. Non mais on fait un mini point potin. Du coup après ce concert là où sans batteur etc où ils disent bon c'est de la merde, ils nous font un truc, ils recrutent donc Jimmy Chamberlain. Comment ils l'ont rencontré ? Alors en fait ils l'ont rencontré je crois à un concert où en fait parce que Jimmy Chamberlain était déjà batteur dans un groupe de jazz, de reprise de jazz. Il gagnait très très bien sa vie avec ce groupe là. Billy Corgan est allé le voir en disant voilà, on fait tel groupe avec telle musique, etc. Est-ce que tu veux venir, etc. Enfin, c'est que je vais en jouer. Tu aimerais jouer de la musique avec nous. Tu aimerais jouer de la batterie avec nous. Non, il a plus tout pour l'accent belge. Il y a un accent belge quand il parle. En fait, alors, si je me souviens bien, en fait, Jimmy s'est senti très convaincu en fait par le discours de Billy Corgan. Alors qu'il n'avait pas du tout. Alors qu'il a quasiment rien écouté. En fait, il n'avait absolument rien à gagner. Elle est là-dedans en fait, il n'y a rien à gagner. C'était pas son. Mais bon, il avait l'envie de sa famille musicale. L'envie d'avoir en base. C'est pas du sa famille musicale, etc. Ouais. Mais du coup, il l'a rejoint. Il l'a rejoint à ce moment-là. Et c'est là qu'ils vont commencer donc à commencer à enregistrer leurs démos. Donc il y a trois démos qui vont sortir entre 88 et 89. Autoproduits, dont une petite apparition d'un morceau sur une compilation. Produit par des maisons de disques de Chicago, ouais. Qui s'appelle Light Into Dark, et un autre morceau sorti en 90, I Am One. C'est un compil sub, c'est ça. Pas encore. Il y a deux compil. Donc en fait, le truc c'est que t'as donc I Am. Hey. Donc en fait, t'as un morceau sur Light Into Dark. Je me souviens plus du nom du morceau. Mais qui sort donc sur une espèce de. Un album produit par des maisons de disques de Chicago. Et c'est vrai que Sub Pop s'intéresse quand même pas mal à ce machine parce que on va en parler un petit peu parce que le grunge, ça commence à bien claquer aux États-Unis, ça commence à bien marcher. Mmh. Sub Pop qui a quand même produit des groupes dont on connaît un petit peu les noms. Et en fait, Tristessa, qui se retrouvera sur le premier album, si je me trompe pas, sort sur le label Sub Pop. Et en fait, c'est des singles en fait qui sortent, c'est des trucs. Oui, c'est ça, c'est. C'est sur des compiles ou des morceaux, mais en tout cas, c'est. Ils commencent déjà à avoir une visibilité à ce moment-là. Dans une certaine scène. Voilà, sur une certaine scène, dans un truc bien donné. Donc, c'était quoi un peu la scène? On sait pas exactement ce qu'il y a sur cette compile, mais on peut imaginer que c'est des groupes qui sonnent. Qui sonnent comme des groupes des débuts des années 90, quoi. C'est-à-dire. On est fin 80, on est sur un post-punk un peu plus lourd. Alors, sur les apparitions des compilations, c'est vraiment 90. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment 90, genre on ouvre la décennie avec ça. Ah ouais, c'est l'ouverture. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on appellera grunge un peu par la suite. Ouais, ou rock and roll. En tout cas, il y a une forme de rock qui commence à émerger en fait aux États-Unis. Qui veut couper un petit peu avec le heavy metal, le trash. Le trash qui était déjà très populaire dans les années 80 aux États-Unis. Et là, il y a une espèce de gamin vénère. Là, on parle un peu quasiment de musique de niche. Les gens à l'époque, je pense qu'ils sont surtout aux États-Unis, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, ils entendaient du rock avec des grosses guitares à fond les mains. C'est ça. Longtemps. Mais c'était pas non plus du trash, quoi. Non, mais c'était pas pour du trash. Pour moi, c'est des mecs qui ont fait du RDFM, je pense. C'est des mecs qui ont fait du heavy metal, mais qui veulent faire du rock, en fait. C'est des mecs, c'est des très bons musiciens qui ont appris avec Motley Crue. Et t'as toute une scène qui est influencée par tous les groupes anglais ou américains de genre de métal, on va dire dur, ou en tout cas avec des riffs très agressifs ou très mélodiques au niveau des solos, etc. Ouais. Et en fait, t'as toute une scène rock qui va emporter ce métal avec eux. Et qui ont rendu une forme complètement différente. Mais ils n'avaient pas les mêmes intentions que ces groupes-là. Pas devenir un espèce de boys band, tu vois. Exactement. C'est oublié du métal. Ils sont tous habillés pareil. Oui, aussi cette idée d'espèce de mal-alpha que donnait cette impression du métal dans les années 80. Eux, ils vont complètement péter les codes en disant « bah non, on va se planter comme on est ». Vraiment, il y a beaucoup plus de femmes dans ces groupes-là aussi que dans les groupes de métal. Bah oui, quand tu vois des femmes de l'époque. Dans Sonic Youth, dans je sais pas, il y a plein d'exemples. Dans Paul Trower aussi. Bah, Breeder, Paul Trower, c'est clair. C'est la même époque d'ailleurs. Non, mais oui, d'ailleurs, c'est clair. Mais non, c'est mais pas le même. Tous ces gros plats, il y a plus de. En Angleterre. De diversité de genre, j'imagine. Ouais. En fait, on mélange plein de trucs et on revient avec. Ouais. Donc, on n'a pas les mêmes intentions du tout sur les. Voilà, mais c'est pas pour ça que le son il doit être moins sale. Quoi. On a écouté d'autres choses et tout. Pour moi, ces mondes-là, ils sont trop éloignés, quoi. Donc, et pourtant, ils sont liés. Ouais, ils sont liés. Peut-être, mais pas tant que ça. Parce que je pense qu'il y a une volonté aussi de se créer sa propre identité. Et, ah, mais donc, c'est exactement ça. Et c'est pas seulement, genre, ils ont pas l'idée de. L'idée non, de se. Ils ont pas l'idée de. Dans les gueules, il y a pas vraiment des. On sait pas trop, y a pas, l'imagerie elle est pas forte dans les 90 au début. Tu vois, c'est pas, ouais, on met des logos comme ça, c'est moins marqué, tu vois. C'est, ouais. Oui, il y a un peu la disparition. C'est la musique logo. Qui prime en fait. À cette époque-là en plus, déjà. Regardez les magazines, c'est très marrant. Aujourd'hui, beaucoup de magazines de métal, de musique ou n'importe quoi, quand ils vont parler d'un groupe, très souvent il y a le logo. Même sur les affiches des festivals, ils en sont très fiers. Et ça a commencé à disparaître dans les années 90, voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc vraiment très métal aussi. Ouais. Mais le rock alternatif et le grunge, tout ça, je crois que. Le grunge avait quand même ses logos. Tu regardes Alice in Chains, Soundgarden, c'était. Alors, je veux pas recycler une vanne, mais. Genre, ils ont chacun leur typo. Non, et en plus, c'est faux. Pour les Smashing Pumpkins, sur tous les. Sur tous les albums, la typo elle change. Sur Ciel. Il y a des logos qui sont sortis un peu plus tard quand même, avec le cœur, l'USP, etc. Ouais, mais c'est parce que le groupe a vieilli, donc il vit avec son époque. Ouais. C'est juste ça pour moi. C'est encore les années 90 ouais, c'est ouais, le ce logo. Je sais pas, ce logo, je le vois jamais sur les albums en fait. Tu le vois pas sur les albums, je suis d'accord. C'est ça, je veux dire. Tu vois pas sur les albums, par contre, tu le vois sur des. Ah, c'est quand même la porte d'entrée. Tu vois sur des EP ou sur des t-shirts ou dans des magazines, etc. Il y a quand même des choses qui ressortent un petit peu. C'est vrai que Théo parlait de logos très marqués de métal. On avait plein les yeux juste avec le logo, tu vois. On t'en met plein les yeux, mais c'est vrai que le grunge, enfin, on va dire le grunge, en tout cas le rock alternatif, c'est pointé avec cette volonté, genre on va tout péter, tous ces codes de. Bah, c'est une des composantes, je sais même pas s'ils l'ont fait exprès en fait, quelque part, mais c'est. Si, il y avait une intention en tout cas. Si, je pense qu'il y avait une intention, ça aboutit à quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y avait vraiment la volonté de péter des choses. Ouais. Il y avait vraiment une volonté de casser cette espèce d'image cuir clou. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour être en parallèle avec ça, il y a le film Singles, qui parle beaucoup de la scène. Donc ça se passe à Seattle, je crois. Hein. Ouais, c'est le film sur le... Alors, c'est pas le nom du réal, mais en tout cas, ouais, de regarder le film Singles, qui parle beaucoup de la scène. Il y a Chris Cornell qui joue dedans. Il semblerait qu'il joue dedans, ou peut-être une histoire de Michel Cornell. Ah, c'est Alison Chains jouait dans le film, d'ailleurs. Ouais, non, enfin, en tout cas, c'est un film qui témoigne pas mal de cette époque, en tout cas de ce début des années 90, dans lequel les Smashing commencent à s'inscrire dedans, quoi. Ils vont commencer donc à se faire repérer via ses démos. C'était avant que tu continues ta phrase, vu que j'ai pas fini la mienne. Quand je parlais de créer, enfin tu vois, tu sais, la volonté de créer son identité, en fait c'était fait de manière beaucoup plus naïve, j'ai l'impression. Mm. Pas seulement pour comme beaucoup de groupes des années 90, comme Nirvana et autres, ils sont arrivés comme ça, vraiment un petit peu à l'arrache, quoi. Ils se sont dit, vas-y, on y va. Et c'est peut-être ça, en fait, l'affection que j'ai pour ces groupes-là. C'est que. L'aspect naïf, la démarche naïve. Alors, oui et non, à mon avis. Enfin, quand c'est travaillé, parce que oui, il y a sans doute. Bon, l'attitude joue pour beaucoup, et puis je suis assez d'accord que pour la plupart, à mon avis, ils avaient envie de, comment dire, de faire leur truc, quoi, et de faire leur propre truc. D'être eux-mêmes. De quand même pas se déguiser sur scène, tu vois. C'est ça. Oui, parce que, attends, juste pour faire un parallèle, c'est le côté d'être eux-mêmes, c'est. Rangeant ce que disait Panda, et je pense que tu veux dire par la suite, mais c'est que le côté où dans le métal, t'as toujours ce côté personnage, quoi, genre ouais, je suis plus mec que les autres, je suis plus machin, etc. T'es un peu chaud, enfin. Ouais, chaud, personnage, etc. Quoi. Et je pense que eux, ils sont pas des différents. Peut-être, alors, j'imagine pas tellement sur la petite fille. Ah merde, putain, t'es pas non, dessus. C'est pas grave, c'était juste pour dire, en fait, moi, c'était juste. Je croyais qu'on avait un contexte et je voulais recontextualiser pour dire. Vas-y, peut-être pas sorti Smashing Pumpkins, leur son de sous n'importe quoi, tout comme Nirvana ou quoi, parce qu'il y a quand même. Enfin, ce qu'on appellera le grunge par la suite, il y a beaucoup de groupes en fait qui sont formés déjà dans les années 80, vraiment. Enfin, quand tu vois les Melvins, c'est 82 par exemple. Même si t'as rien à voir, voilà. Dinosaur Junior, c'est en 83, les gars, donc ça c'est dans l'Est des États-Unis, c'est dans Seattle. En 84, il y a ce fameux groupe Green River, que tout le monde cite, j'avoue. Soundgarden, c'est la même année, il y a 84. Les Screaming Trees avec Mark Englands en 85, les Pixies en 86, c'est la même année que les Sub Pop. qui avait déjà quelque chose sur un... Déjà une envie de courant alternatif du tout metal, du tout hard, tu vois. Ouais, oui, d'accord, plus, ouais. Plus fort, plus loin, tout ça et tout. En 87, c'est Mudhoney, etc. Nirvana se forme la même année, en 87. Donc tu vois, 88-89, pour les premières démos de Smashing Pumpkins, il y avait déjà des sons, alors même si eux, ils étaient à Chicago, et je sais pas si j'ai cité un traître groupe de Chicago là-dedans, je pense pas, mais ils voulaient faire un truc un peu différent, je pense, là-bas, et ils avaient vraiment vu ces groupes-là, ils en avaient déjà mais, un petit peu mais déjà, dans les démos, c'est pas dans le signe, dans les groupes que tu citais. Ouais, non, c'est vrai, en plus, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Panda semblait... Enfin, je croyais que tu semblais dire qu'ils avaient sorti ce son comme ça... Ah non, non, pas du tout. Non, mais je sais bien. Mais non, je sais bien, parce que, tu sais, juste quand tu parles de Sonic Youth, là, c'est une parenthèse qu'on va couper, je pense. Mais quand on parle de Sonic Youth, c'est les mecs, ils ont quand même sorti, mais ils ont inventé le noise quelque part. Alors qu'à ce moment-là, c'était une punk. C'est eux, mais en tout cas, ils ont beaucoup contribué. C'est cool, pas une heure. Et donc, alors que là, ce qui cartonnait, c'était le punk, surtout tout ça dont on entendait parler. Après, il y a eu Crash, il y a eu DS, enfin bref, il y a eu plein de trucs comme ça en même temps, c'est sûr. Mais je sais pas, en fait, quand je disais, quand je parlais du côté naïf, c'est peut-être plutôt le côté fragile dont je voulais parler. Oui, c'est, après c'est d'abord. C'est quelque chose de pardon, plus. Ouais, c'est. Mais non, mais si, y a, en fait, il y a tout qui est lié, quoi, non, à, toi, tu sais, à l'image qui vont. Comment elles sont faites, et moi je parle de. Non, l'attitude aussi. L'attitude, le son. Et puis la façon aussi de mettre en avant les albums, etc. Mais je te rejoins en fait, hein, sur ce ouais, ouais, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais pas pris tous les autres groupes qui, dont, que t'as cité juste avant, quoi. Mais enfin, je sais pas où c'est. Non, mais en fait, moi ce que je vois, c'est que par rapport à ce que Théo a cité sur les groupes, en fait, les mecs étaient déjà créés dans les années 80. Mm-hmm. Enfin, déjà créé leur groupe dans les années 80. Ouais. C'est un truc qui végétait en fait déjà un petit peu, qui n'attendait que les années 90 pour... En fait, c'est des groupes qui ont explosé dans les années 90, c'est ça. Qui ont explosé dans les années 90, c'est mais en fait, c'est déjà un truc qui existait déjà avant. Déjà, c'est juste que c'était pas visible pour les gens qui étaient... C'est parce qu'il y avait les gros groupes de heavy... Et parce que je pense que le heavy metal, le death avait pris le dessus. Ça, on est d'accord. Le rock était moins intéressant. Je suis sûr qu'à l'époque, si t'écoutais du punk, genre Black Flag ou... Fugazi, ça existait peut-être ouais. Fait encore, mais. Si, Fugazi, ça. Minor State et tout, tu devais peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est bien de remettre ça. Non, mais c'est bien parce que c'est des vrai trucs que. Comme Madonna ou, je sais pas, Pixies, ça devait aussi te. Bien sûr, Pixies, c'est sûr. Mais c'est vrai que souvent, on a ce réflexe de penser, genre, ouais, les années 80, c'est le hard FM, le thrash metal, etc. Ouais, il y avait un ça. Alors qu'en fait, déjà, il y avait déjà des trucs autres. Du fameux alternative au métal musclé. Mais c'était pas ça passait pas sur MTV. Sauf que c'était pas populaire, ça marchait pas, ça remontait pas encore. Ça remontait pas quoi. Ça remontait pas. Mais ça existait, mais ça remontait pas. Ouais, du Michael Jackson et comme ça, il y avait aussi beaucoup de trucs pop. Ça marchait bien, c'était pas du métal. Les années 90 ont vraiment amené. Tous ces groupes dont tu as cité aussi, parce que les Melvins, ou Nirvana ou Soundgarden vont exploser dans les années 90 et vont amener cet aspect donc métal, mais aussi beaucoup de mélodies, énormément de mélodies qui vont un petit peu se cristalliser dans beaucoup d'albums. Dès 91, l'album Guiche. Premier album. Totalement différent des Ah oui, alors là, tout de suite. Alors oui, c'est quand même assez différent, quoi. Donc, là, on est sur du Melvins mélangé avec du Jimi Hendrix, un peu. Okay. C'est ce que Billy Corgan disait souvent. La pochette fait penser un peu à un amour pour Jimi Hendrix, en tout cas. Ouais. Elle fait très. Attends, mais grave, t'as raison, putain. On dirait une pochette d'un groupe de psyché devant. Mais attends, mais on dirait pas la pochette. C'est pas Radio Experience. Et bah, j'ai une photo de Jimi Hendrix en rouge. Mais oui, mais t'as raison. Il y a une teinte violette qui est très Jimi Hendrix. Ouais, non, mais c'est. Non, mais en fait, c'est ça, mais t'as raison. En écoutant, c'est les parties basses, tu sais, l'espèce de. Les walking de basse. Dans Guiche. Ah oui, retrouver les tutos basse et Il y a plein de walking de basse dans Guiche, et ça fait très Jimi Hendrix en fait. Ok. Mais avec des gros riffs lourds. Mais ouais, c'est ça. Et avec côté pop, avec gros refrain. Avec moins de notes en fait. J'ai l'impression. Ouais. Bah, c'est comme... plus de boucles, on va dire. Ouais. Mais c'est même c'est pareil. Et puis avec des solos, mais des petits solos qui font des petites mélodies. C'est comme si t'en mets toutes les notes super floues, ça aussi, ça te rend vachement avec le métal. C'est genre, ah ouais, vous savez faire un super solo, mais toi, ce que tu fais, moi, je l'ai déjà trouvé, mais avec moins de neuf, tu vois. C'est marrant parce que. Il y a un côté un peu écureuil, quoi, dans ce qu'il fait. Squelettique, quoi. Parce que la pochette, pour moi, je sais pas beaucoup, hein, c'est peut-être la gueule de Billy Corgan maintenant, mais je l'associe plus à. Tim Burton. Ouais. En fait, sa pochette, elle me fait penser à l'œuvre de Tim Burton, je sais pas pourquoi. C'est des petites décorations comme ça, t'es autour, ouais, dire des petits ossements, je sais pas quoi. C'est ce que tu dis. Je sais pas, dans les couleurs et tout, quoi. Dans les couleurs, etc. Et puis, je sais pas, même l'univers même, tu sais, on parle de citrouille, tu vois. T'sais, quand tu vois le nom, et ben en fait, ça fait penser forcément quoi, à Halloween, quoi. Ouais. Halloween, ça fait penser à Tim Burton. Tu vois la gueule de Glee. Saisons, finalement. Tu regardes la gueule de Tim Burton. On commence avec Halloween. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Non, en fait, voilà, là où je voulais en venir, c'était quoi, c'était... cet album-là, en fait, il est quand même assez surprenant, parce que moi, comme je vous l'avais dit, j'ai découvert les Smashing avec leur troisième album, le double album, Melancholy, Intimous Dream, n'importe quoi. Infinite Sadness. Et quand j'ai écouté le premier album, j'ai dit, putain, mais... Et pour un premier album, je le trouve vachement abouti, quoi. Tu sais, les compositions, elles sont à tabasse, quoi. Je veux dire, c'est... Je suis d'accord. T'as du fuzz à balles, c'est psychédélique, t'as de la dream pop, t'as... Ouais, y'a plein de choses. T'as plein d'influences dedans, ça a l'air un foutraque quand j'en parle comme ça, mais en fait non, y'a un travail de composition qui est dingue, hein. C'est, tu sens qu'ils se sont fait déjà repérer, que ça a servi leur démo, parce qu'ils se font produire par Butch Vig, aussi, d'accord, le groupe de grunge. Et c'est pas le batteur d'un groupe, non? Garbage. Voilà. Ah ouais? Et ouais. Bah, en tout cas, tu le retrouves sur beaucoup de trucs. Voilà, c'est ça. Il a déjà fait vite fait, parce qu'il a les deux albums, il sort Guiche, Nirvana dans la foulée. Oui, c'est pas. Garbage, c'était un peu un truc qui est génial au niveau de la batterie, mais il produisait aussi. Truc qui est bien avec Guiche, et si je fais un petit parallèle avec un groupe dont on a déjà parlé, Typo Négative, qui eux cherchent un petit peu, on dirait que les Smashing Pumpkins, ils arrivent, ils ont déjà leur style, quoi. Non, pour moi, c'est pas leur style. Pour moi, ça tâtonne. C'est déjà très bien fait. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec Panda. On dit, la partie qui se cherche pas. C'est quand tu regardes les autres albums, quand tu les écoutes. C'est un peu bluesy que, en fait, elle a. Je trouve pas du tout. Ouais, t'as déjà une basse quand même qui est déjà vachement présente, quoi. C'est pas du tout. Il y a déjà cette petite qu'on connaît, enfin, pour moi, que je kiffe. Non, mais il y a déjà cette basse qui est des chansons de. C'est ça fait pas peur, des solos, une batterie, ça rase fort, avec parce que je dirais les guitares super saturées, et ça c'est tout le temps. Ah, les guitares, elles sont ouf, hein, quand même. Dans les mélodies, dans certains arpèges, t'as déjà des trucs, même si c'est. D'accord. Même si c'est juste des petits trucs. Pour moi, c'est pas encore le Smashing que. C'est pas le smashing abouti, mais en tout cas, je rejoins entièrement Panda dessus sur le fait que c'est un groupe qui se cherche pas forcément, mais en tout cas, ils savent où ils vont. Ils savent très très bien où ils vont. Ils savent très très bien où ils vont. Vous avez des titres là que vous avez retenus? Rhinocéros. Ouais, putain, c'est. Mais ça, parce que c'est quand même. Je crois qu'il y a Tristessa. Tristessa, à moi, un peu. Rhinocéros, aujourd'hui, ils sont obligés de la jouer, je pense. Ouais, c'est complètement sorti, moi, je trouve. Enfin, c'est surtout quand tu écoutes une chanson comme ça que, évidemment, là, j'avais déjà trouvé l'art. C'est frappant. Oui, parce que c'est un son que tu retrouves un peu sur le deuxième en vrai. Ouais, sur le deuxième. Il y a Shiva aussi, je pense qu'on s'écrit Shiva, mais je me demande si c'est. Je crois que ça se prononce Shiva. Ouais. Hein, et c'est super frappant, surtout quand. C'est pas la chanson en tant que telle, elle est vachement bien, mais en fait, je pense que c'est celle qui ouvre l'album, je sais plus, en tout cas, c'était une des premières que j'avais. Ouais, c'est ouais. Drôle. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Mais c'est la deuxième, je crois, Shiva. Ouais. Et dès que t'entends le son, en fait, tu peux pas t'empêcher de penser à. Enfin, moi, j'ai pensé direct à KLS, en fait. Ouais, c'est une grave, KLS, je trouve que c'est quasiment le même, quoi. Ou quelque chose de, à la Black Sabbath, quoi, quelque chose comme ça aussi. Black Sabbath, mais on peut qui est très très fan aussi. Ouais, Black Sabbath, c'est comme si il était pas. Tu connais ça, tous les groupes? Ah bah, je crois que tous les groupes. un rapport avec Black Savage, j'ai l'impression. Hein. C'est un dénominateur commun. Ouais, j'ai l'impression, hein. il y a un truc sur le parc. J'entends bien Black Savage, mais. Alors, je suis pas sûr, mais voilà. Là, vraiment, je suis vraiment pas sûr. Sauf quand Westman se fait chier et qu'il joue du Paranoid en live. Et il le fait. Et il le fait, ouais. Parce qu'il s'emmerde, en fait, parce qu'il se fait chier. Tu vois, personne, de toute façon. Donc, parce que pendant que t'as Frienders avec son Bob en train de raconter des conneries, lui, là, genre, on avance, quoi. Ah, bref. Alors, on n'a pas encore parlé du caractère de Billy, le mec qui veut tout faire à la perfection tout seul. Ah bah déjà, dès le premier album, il est comme ça. Hein. Il est comme ça, mais là, tu vois en fait l'ordre des chansons. I'm One, c'est la première, et celle qui ferme, c'est Daydream. Et en fait, bah, I'm One, c'est... Je suis seul. Ça a été composé avec John Aya. Et Daydream, il y a Darcy qui chante. Tout le reste, après, en fait, c'est Billy, quoi. Et c'est déjà le cas alors. Ouais, c'est déjà le cas. Ah, mais de toute façon, et ce mec-là, c'est. Et ça va se répéter par la suite. Hein, c'est, il compose plus vite que son. Les deux premiers. Ouais, les deux premiers, c'est Billy qui va s'en faire. C'est vrai, mais bon. Alors, il fait tout sauf la batterie, hein, parce que bon, c'est ça. Heureusement, il y a Jimmy à côté, hein, pour taper les fûts, hein, parce que sinon, c'est pas bien. D'ailleurs, Jimmy a beaucoup aidé à changer le son, en fait, des Smashing, quoi. Donc, comme on disait, c'était plus Noël, etc. Ouais. Le jeu de Jimmy, il est tellement percutant. Okay, ouais. Il a tellement de rythme. Qui est très nuancé, surtout. Bah, on sent qu'il vient du jazz parce qu'il sait se reposer sur les couplets et au refrain, et ça tabasse, il met plein de petits trucs. Ouais, puis il a une façon de jouer qui est très à l'aise, quoi, qui est très jazzy, ouais. En fait. Quoi, même sur un riff fort ou sur un riff calme, il est capable d'accentuer lui-même. Enfin, vraiment, c'est super. Ouais, et je pense que tous les batteurs savent pas le faire. Et c'est pas pour rien. Enfin, moi, c'est pour ça que souvent, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les batteurs qui viennent d'autres univers. Mmh. Parce que quand ils viennent du jazz ou d'autres genres, ils vont taper dans le métal. Je pense beaucoup à Dave Lombardo, par exemple. Mmh. Ou Dave Lombardo. Enfin, Slayer serait jamais Slayer s'il n'y avait pas eu Dave Lombardo. Quoi. Quand tu vois en live. C'est pareil pour Smashing. Hein, et c'est pareil pour Smashing. Quand tu écoutes beaucoup, c'est hyper détaillé dans tout ce qu'il fait à la batterie. C'est pas des rythmes basiques de batterie. Du coup, Jimmy Chamberlain est quand même apporte quand même pas mal de solidité aux morceaux des albums. Et de couleurs en groupe. De couleurs. Tu reconnais son jeu de batterie. Mais crap, putain, et une frappe quoi, qui comme tu dis, genre qui est à la fois. Il sait jouer sur les. Tu sens que ce mec avec un simple truc du poignet, il peut envoyer beaucoup plus de puissance. C'est ça. Et on la sent vraiment sur l'album en fait, enfin sur chaque album d'ailleurs. Non, et tu sens que ça restera un pilier quand même du groupe. Parce que c'est un peu technique, la batterie est un peu technique finalement, mais sans être branlette. Ouais, sans t'en foutre dans la tronche. C'est d'accord avec ce qui se passe avec guitare ou au chant. Mais même Billy Corgan a un jeu comme ça, parce qu'on peut s'arrêter vite fait dessus, c'est que Billy Corgan est un très très bon guitariste. Ah oui, même, carrément. Qui est pas une merde, et pourtant t'as l'impression que quand il joue, t'as l'impression qu'il te fait un truc hyper simple, alors qu'en fait c'est un truc qui est très travaillé, mais genre, il t'a enlevé toutes les fioritures, toutes les merdes, et ça. Il a jeté plein de notes dans la tronche, il dit non, il va te faire un truc très simple, mais par contre c'est hyper travaillé, c'est un riff très clair. Très intuitif en fait. Très intuitif. Ils font les mêmes accords, mais pas toujours, mais quand ils jouent plus loin. Oui, c'est exactement ça en fait que je voulais en venir en fait quand je disais, c'est déjà leur style plus ou moins abouti. C'est quand t'écoutes la première fois en fait, les Smashing Pumpkins, ce que tu vas retenir, c'est pas en fait la qualité des musiciens ou je sais pas quoi, tu sais. C'est l'énergie qui est. C'est l'énergie qui est. Ouais, et c'est vraiment tout le travail de composition qui est autour. C'est après qu'ils prennent de ça. Tu vois en fait que c'est ces mecs là. C'est la simplicité. Ouais, c'est la simplicité. C'est ça. C'est une chanson, même si elle prend 3-6 minutes. C'est une petite chanson, c'est une chanson assez simple et avec des mélodies qui sont assez preneuses, assez catchy comme on dit. Ouais, ça fonctionne quoi. Ouais, c'est moi en tout cas. Ouais. Moi en tout cas, et nous c'est dit. Juste une petite chose, ça sort en 91, lui, ce qui est marrant, c'est que. On en parlait tout à l'heure. À ce groupe là. je sais plus exactement quand sort Gish de Smashing Pumpkins, mais deux mois après, comme par hasard, il y a un super album que personne n'avait vu qui sort. Il y a un album d'un petit trio d'Edward Dean qui s'appelle Nirvana. Et sort Nevermind avec une chanson que vous connaissez dessus. Je pense 7 milliards de personnes. Ah oui, c'est Sunday, Bloody Sunday. Je crois que c'est. Black Olson. Black Olson, ouais, c'est ça. Tu mettras. Senteur de tea. Senteur de tea. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant plein d'interviews, après, moi, j'ai été un peu meilleur souvenir, en renseignant sur le groupe, je me suis dit, bon, bah voilà. Alors, Théo désarçonné. J'ai été désarçonné, j'ai été. T'imagines, j'arrivais pas à le dire. Il était torse. En fait, ça sort 2 ou 3 mois avant, Gish, et Nirvana sort. Bon, on se lave de temps après. Nevermind, et en fait, dans plein d'interviews, Bill Corgan il dit ouais, notre premier album n'a pas marché parce que Nevermind est sorti 2 ou 3 mois après. Ce qui n'est pas complètement faux, je pense. Ce qui n'est pas complètement vrai non plus, parce qu'un album, normalement, il décolle dès le début. Quand tu comptes, si un album n'est pas entre guillemets dans Billboard, dans ses premières semaines, Nevermind explose tout, mais 2-3 mois après. Mais on s'en fout, il était où un guiche avant. Mais il était là, il était là. Bah ouais, mais il stagnait, il était le millième album devant. Non, Nevermind a tout planté, quoi. A tout planté. Il a tout remis à plat. Mais vous comprenez pas, ça se passe pas. Non, mais écoute, nous écoute, t'as pas écouté Théo. Mais si, t'as pas écouté Théo. Si, je suis d'accord avec toi en disant, genre, oui, alors Gish était là, genre, il aurait dû exploser tout de suite. Bah oui. Le truc, c'est que, il est monté, je pense, mais Gish est quand même. C'est quand même pas mal vendu. Le problème, c'est que Nirvana a tout remis. Enfin, pourtant, moi, je suis vraiment pas fan de Nirvana. Alors, peut-être qu'il y a une part. Peut-être qu'il y a une part de ça. Mais je trouve que, enfin, Billy Corgan, il en a fait un élément de l'histoire de Smashing Pumpkins en cheminant là-dessus et en disant, ouais, à cause de. Mais toi, ça place. Ça n'a pas marché. Mais toi, ça place. On n'est pas à Mélanie Collin. Il n'y a qu'un album qui est sorti. Oui, déjà. Mais bon, il a son premier album. Là, il y a Nirvana qui arrive. Nirvana, ça. Enfin, Nevermind a tout remis à plat. Ils vont quand même faire pas mal de tournées. Ouais, pendant un an et demi. Plus d'un an et demi, ils vont quand même faire une tournée. Et donc, ils vont quand même ouvrir pour les Red Hot. Les Red Hot. Ouais. Pour Jane's Addiction. Ouais. Et pour Guns N' Roses. Wow. Ils vont quand même ouvrir... Donc ils vont faire quand même une grosse tournée de à la fois en tête d'affiche et en même temps déjà gros en fait c'est le groupe en devenir là mais oui ils sont déjà énormes ils sont déjà avec les groupes bon, c'est après on faut se remettre dans l'époque on n'était pas rigolo avec l'album Gish quand tu vas sur la fiche Wikipédia de Gish. Ils disent que l'album il est sorti un mois après la sortie de Nevermind tu vois. Oui, non, mais après tu vas sur le truc de Nevermind sur la page française. Ouais, mais non, la sortie est annoncée au 28 mai 1991, alors que l'album c'est Nevermind est sorti en septembre. Il y a beaucoup de différés entre les sorties européennes et américaines des fois. Oui, c'est sûr. Ouais. On parlait de succès, on parlait de succès américain. C'est pas possible. Et, qu'est-ce que je veux dire Là, à l'époque, le groupe était pas connu en Europe, je pense. Non, c'était pas connu en Europe. De toute façon, c'était le premier album. Ouais. Tu crois qu'ils ont fait une diffusion mondiale comme ça pour un premier album? Ben, ils étaient déjà distribués, à mon avis, dans des. Il y avait forcément un des Européens qui connaissaient ça, mais ils étaient bouchons. Ouais. Mais en France, tu vois, c'est des petites scènes, quoi. 214. On les connaissait tous par là. Déjà signé quand même. 14 ou 18. Oui, voilà. Comme on disait, voilà, ils faisaient des tournées avec des groupes vachement connus, donc forcément que les gens, ils ont commencé à s'intéresser un petit peu, mais. Pas le truc que ça. Donc voilà, une année et demie de tournée se passe, 91, 92. Et donc le groupe revient donc à la maison, et là ça commence déjà à être le bordel. Donc c'est la première tournée, premier album. Bah grosse remise en question de vie. Alors attention, parce que là on va rentrer un peu dans le côté closer du groupe, parce que ça commence déjà très très mal. C'est un closer. Parce que la sortie du truc, t'as quand même Chamberlain qui a... complètement à bouffe sur les drogues. L'héroïne, c'est ma passion. Il est à balle sur l'héroïne, etc. Oui, déjà à balle sur les drogues, bien sûr. Il est quand même déjà à balle sur les drogues. T'as James Saya et Darcy qui viennent de se séparer parce qu'ils avaient entamé une relation pendant la tournée. Donc ils veulent plus parler. Ils se sont séparés d'ailleurs au Reading Festival. Justement, ils se sont largués et puis ils sont allés sur scène pour jouer. En chaise roulante sur scène. Qui ça? Kurt Cobain était rentré en chaise roulante. Oui, c'est le fameux concert en Kurt Cobain qui est filmé, c'est tout le retrouver sur YouTube où il arrive en chaise roulante, Kurt Cobain, à ce moment-là. Ouais. Et genre il tombe par terre, enfin il tombe sur le. Parce qu'en fait, sur scène, c'est un gros camé et qu'il allait mourir sur scène et il le fait sur scène. Ok, d'accord. C'est assez drôle quoi. À ce festival-là, ils se séparent pour l'instant. James et Darcy se séparent et Billy Corgan tombe dans une dépression, mais alors au plus bas. Mais pourquoi ? Bah, le batteur il est drogué. Tu crois que c'est lié à son groupe seulement ? Non, je pense que c'est sa personnalité. Hein. Je crois qu'il est comme ça quoi. Il commence à se dire putain, je marche un peu quand même. Je pense que c'est pas la raison de faire des choix artistiques aussi, comme je disais, pour les gens qui me demandent. C'est déjà gros, c'est la dernière. Il se remet en question. Donc c'est quand même une fin de premier album, une fin de tournée qui tourne mal, hein, pour le coup, hein, sans mauvais jeu de mots. Enfin, ses quatre compères sont complètement en roue libre. Donc le truc, c'est que le label, lui, ils veulent un bel album, quoi. Ils veulent sortir un nouveau truc, quoi. Parce que c'est Virgin maintenant. C'est Virgin, ouais. C'est Virgin. Et Virgin veut quelque chose, hein. Ils veulent un truc, hein. Et donc c'est toujours une bonne fille, hein. Ça amène à 93 et là, c'est un album qui a été enregistré hors de Chicago pour en Géorgie. En Géorgie, ouais. En fait, pour écarter sur toute une de la drogue en fait. Il a quand même ramené à. T'inquiète, la Géorgie. Ah oui, et le premier truc qu'il fait, le mec il arrive à trouver un dealer quoi. Jimmy la débrouille quoi. C'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs, c'est Jimmy la débrouille. Jimmy the débrouille. Je crois que pendant l'enregistrement de l'album, il a carrément disparu pendant 3-4 jours. Il l'a retrouvé tout camé. Tu vas faire un enregistrement. C'est quand même. Et du coup, pour essayer de faire ça, entre temps, je me permets de faire toujours un petit peu la chronologie du grunge, mais c'est quand même intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de Nirvana, etc. Il y a un autre album énorme qui est sorti entre temps. C'est d'un album qui s'est formé et qui a sorti son premier album, c'est Pearl Jam, entre temps. Et ça, 91, Pearl Jam, c'est Ten, et ça, c'est le plus gros succès instantané du grunge. Enfin, c'est le premier très gros succès. Parce que c'est 11 millions d'exemplaires, vous vous rendez compte, 11 millions d'exemplaires avec des grosses guitares chez tout, etc. On pourrait pas faire la même chose aujourd'hui. Ah, bah ça, je peux dire que c'est pas la même mayonnaise. 800 000 CD avec ça. Mayonnaise. Mayonnaise. Voilà, mais bon, Nevermind est quand même un petit peu devenu le master of puppets du genre, quand même, il y avait à l'époque. Oh, Ziron, oh là là, comme tu vas faire. Oh pétard. Il n'y a pas de plus. Et ça, c'est un moment que j'entends ça. Eh bah alors. Oh la vache, quoi. Eh bah les gars. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, vous regardez plus dans les yeux. Ça vous fait peur, les métaphores? Les métals forts, ça vous fait peur? Les métals forts. Oh non, c'est bon, la blague est partie dans les gros créons. Les maisons Alford. Allez, ça va. Bon, c'est un peu devenu le thriller du genre, donc. Oh, putain. Vas-y. Je pense que la presse commençait déjà un petit peu à braquer les projecteurs sur eux parce qu'ils étaient vachement bien, vachement intéressants, super image. 9 ans de groupe, un mec sous la diversité, des problèmes de drogue, une romance qui tourne mal. Là, on a commencé à apprendre que Bill Corgan était un peu mégalo à cette époque-là, mais en fait, il a toujours été. Mais je pense qu'il a été. Je pense qu'en fait, c'est parce que quand tu lis l'histoire du groupe. Ce qu'on a, c'est intéressant ça. Évidemment. Mais par contre, c'est vrai que dès le point de vue en ce moment, j'ai l'impression que c'est là où Billy Corgan, quand tu vois les trucs avant premier album, il y a le côté un peu genre ouais, on peut tous ensemble, on est un groupe, etc. Premier pas dans le son enregistrement, Billy Corgan, bam, on fait ce que je dis. Voilà. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il a vrillé. Malheureusement, c'est. Il y a toujours une personne un peu. Bah, t'as toujours cette espèce de leader ou de. Ou de mecs qui ont envie de mettre. Oui et non, mais c'est les meilleures histoires. On en connaît plein, on va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Par exemple, c'est vraiment le leader et nous, on obtendait. Je vais se dire quand même pas mal de conneries. Ouais, mais c'est toi qui nous as écrit un texte, on doit savoir. on peut que lire. C'est moi son qui texte. Règle les propres cordes vocales de Nelson. Tu nous accordes. J'accorde Nelson moi-même. Hein. Ouais, c'est ça. Et au montage, limite nos voix. Mais voilà. Par contre, ah oui, au montage, c'est moi qui refais toutes vos voix. Et refais les voix. Au avec une canette. Ouais. Avec voilà. Une canette. Et une chaussette. Et une canette chaussette. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi la chaussette. Parce que... Canette chaussette, ah, putain, ça pourrait être un super coup de rap. Bon, du coup, la suite s'avance un peu compliquée, hein, quand même. Bah, tu disais sur cet album-là que toutes les chansons étaient parlaient d'elles, sauf une. Alors, c'était à cette époque-là où Lee Corgan et Courtney Love avaient commencé à entamer leur relation. Ouais, ils avaient commencé, oui. C'est sûr. Avant le mariage avec Kurt Cobain. Mais c'est possible. Parce que c'est vrai que Lee Corgan est sorti avec Courtney Love avant Kurt Cobain. Attends, mais vraiment en closer des années. Ah ouais, vraiment. C'est le genre d'information que. Et ça prouve en fait le simple fait qu'on sache, ça prouve que évidemment, l'appréciation de la rock, c'est mieux tiré sur l'ambiance que ça va bien beaucoup. Mais après, Courtney Love fait partie intégrante de la vie de Lee Corgan aussi, parce que c'est. Oui, ouais. Quand tu vois les anecdotes terribles, quand Kim Gordon elle raconte que c'est un petit chien que tu me laisses. T'as fouillé toi, c'est vrai. Non, j'ai lu aucun Kim Gordon. Désolé. Ok, moi je lis. Pas pour l'émission, mais c'était un passage assez marrant quand même du bouquin, j'en souviens. Oui, mais quelque part que ça a été noté ou enfin que ça a été relaté, c'est. Ouais, c'est horrible parce que t'as l'impression que tout le monde le savait en fait. Et vu que la presse le disait, bah, les autres gens du Gorel, de cette scène-là, c'était un peu de Kim Gordon, c'est un bisou, quoi. Alors, c'est l'impression que lui, non, il a lui-même. Il a toujours été comme ça, mais quand il était à l'école, il a toujours été comme ça. Ouais, il le dit. Hein, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, il écrit beaucoup dessus dans ses chansons. Et c'est un bisou qui a assumé aussi, parce que dans les premiers concerts des Smashing Pumpkins, le mec, il se pointait sur scène en robe, alors qu'il avait ses parents sur scène, enfin, sur scène, il avait ses parents dans le public, etc. Ouais, ses parents sur scène. Et sa mère, elle disait, mais il y a tout le monde qui va croire que t'es un pédé. Que t'es pédé. Et lui, il disait, et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, c'est grunge. Je pense. Voilà, c'est un ça peu c'est grunge. C'est vrai. Il y a une chanson qui est basée sur le frère de Ryan, qui s'appelle Space Boy. Parce qu'il voulait des verres trop hauts, toi. Non, son, il a un petit frère qui est déficient. Oui, exact, oui. Et puis, contre Ryan, il dit toutes les chansons sont basées sur moi, sauf Space Boy. Ok. Sur son ok, d'accord. Voilà. Mais bon, du coup, ça reste un petit peu sa sphère familiale, sa vie, son. Bah, ça reste un mec qui a envie de parler de lui, quoi. Exactement, ouais. Mais il le fait bien, ce petit con, donc super sympa. Hein. Parce que entre Glitch et Siamese Dream, les thèmes évoqués, les paroles, jusqu'à les sons, pareil. Hein. Regardez ça que moi. Alors, il y a un truc sur lequel je voudrais qu'on revienne un petit peu, parce que juste avant, quand on parlait de Glitch, j'avais parlé donc, de la dépression de Glitch Morgan, et ça a un épisode pour en parler avec moi, c'était qu'en fait, il se posait beaucoup de questions sur la façon dont il écrit ses paroles. Mmh. Et en fait, il se posait beaucoup de questions, comment est-ce que je vais raconter telle ou telle histoire, ce que je vais raconter, et en fait, il a demandé, il s'est dit, je vais raconter ce que je ressens, je veux juste raconter ce qui se passe. Je vais arrêter de chercher des morceaux, enfin, à écrire des morceaux de façon cryptique, avec du sens caché, etc. Comme vous disiez tout à l'heure, ouais, il était à fond dans le MS Blue, il voulait faire un peu l'intitulé. Voilà, c'est ça. D'écrire des livres un peu aussi. Oui, il y a un bouquin qu'il essaye d'écrire depuis des années et qui ne tourne pas sorti. Ah ouais, c'est sur mais sur lui-même, et surtout, le truc, c'est que c'est cette réflexion a amené à écrire le morceau donc Today. Ouais, voilà, c'est un qui est un morceau très ironique sur sa volonté de se suicider. Mais qui est un morceau en fait qui est très positif pour son écriture musicale. Et les textes, ouais. Genre aujourd'hui, le plus beau jour que j'ai jamais vu de la vie, etc. Et en fait, le mec, il est vite son truc. Oh, il avait vraiment envie de se buter. Il avait vraiment envie de se buter, quoi. Il s'est servi de ça pour contrebalancer le truc et en fait il a arrêté de se prendre la tête comme beaucoup de musiciens, d'arrêter d'écrire des morceaux avec plein de phrases cachées ou de sens caché, etc. Il a juste écrit des trucs sans se poser des questions sur lui, il savait où se mettre en fait, il voulait être vraiment Et il a dit dans l'interview là, que j'ai relu il y a juste avant le podcast, j'ai relu l'interview où il disait que en fait la valeur de lui-même était proportionnelle à ce que pensaient les autres de lui. Ouais, ouais. Et pendant très longtemps il a pensé ça, c'est-à-dire que si tu lui disais bah lui t'es une merde, bah, oui, en fait il le pensait. Et en fait il a gagné également parce qu'on dit tous ouais c'est un connard parce que dans les studios il voulait faire tel ou tel truc, bah, en fait le mec avait pas du tout confiance en lui quoi. On sait juste que vivant sur un peu chargé. Socialement il était pas top mais en même temps Je pense qu'il a un peu donné le bâton pour se faire battre, mais ouais, mais, il mais je pense qu'il s'était pas voulu. C'est pas mais après en fait peu importe, donc voilà c'est ça. Enfin, c'était un moteur de toute façon pour le coup. Ouais c'est ça, c'était pas juste une merde. Il a transformé en quelque chose pas juste une merde. C'était directif avec les gens, c'est un peu mauvais mais... Parce qu'il s'y prenait pas bien. Quelque chose de bien en fait. Parce que oui, voilà ça, je pense qu'il s'y prenait pas bien. Par contre il voulait vraiment genre non mais vas-y on va faire ça, ça va être cool quoi. Tu vois, on va aller vers quelque chose quoi. Non il est vachement bien, c'est un design comme je l'ai dit. Moi c'est avec cet album là que j'ai vraiment écouté Smash Pumpkins. Avec choix, il y a quelques mois, quelques années, je sais plus. Et j'ai retourné dessus à faire cette vidéo. Encore le jeu. Et donc ouais, je n'ai pas le mort. Donc si Bichoir se découvre, c'est trop pas. Et du coup, non mais bon, ça m'a donné envie de l'écouter. C'est vrai que c'est un super album dans lequel t'entends des influences qui sont peut-être pas si lumineuses que ça dans le grunge. T'entends quelque chose que t'entends un petit peu moins dans d'autres groupes que tu cites dans tout ça, je trouve que t'entends vachement dans le Bloody Valentine par exemple. Ah plus de putain, mais tu l'as sorti parce que je voulais en parler tout à l'heure. Mais tu peux y aller, hein, toi aussi. Ah non, mais non, mais bien sûr. Tu es d'accord avec moi alors. Mais, non, évidemment, putain, mais My Bloody Valentine avec Loveless a influencé toute la scène en 90. Sur Simon's Dream, qu'est-ce qu'il y avait Je sais pas, il... Une chanson partie mondiale, non, juste ça. Ah, pas vu que c'était... Bah, il y a Hummer, ah, bah, il y a plein. Bah, il y a Mayonnaise, qui est sur... Mayonnaise, voilà. Mayonnaise, voilà. Mayonnaise, qui est sur Simon's Dream. Bah, sinon... Qui est souvent revenu dans les interviews par les journalistes, qu'est-ce que veut dire Mayonnaise. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a beaucoup cassé les couilles avec ça. Il répondait par la réponse, bah, je veux voir mon frigo, je peux venir machin. Bah c'était peut-être parce que... Et en fait non, parce qu'il y a un jeu de mots. Et en fait non. Il y a un jeu de mots. Le jeu de mots c'est My Own Eyes. Ah, Mayonnaise. My Own Eyes. Silverfoot. Il s'est pas du tout parlé français. Il est pas génial ce morceau. Si, si, Silverfoot. Ah, moi j'ai pas kiffé. Bah j'aime bien ce côté psychédélique. Je pense que t'entends bien My Bloody Valentine, parce que c'est surtout son guitare qui est vachement... C'est toujours Bad Vig. Et il avait comme particularité de faire énormément de overdubs, donc d'enregistrer une guitare, de faire des couches de guitare comme ça. Je pense qu'avec BV, ils ont fait la même chose. C'était imbissable en concert. C'était là où je voulais parler de l'influence de My Bloody Valentine. C'est que c'est vrai que My Valentine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couches de musique. Et en fait, tu ressens la même chose chez Smash Mouth, mais c'est plus clair, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. C'est plus mélodique, ouais, c'est... Voilà, il y a moins ce côté bordélique, même si je pense pas que My Bloody Valentine est bordélique, mais... c'est une clé, on va dire. Moi, c'est machine, ils ont pris un petit bout de Bloody Valentine dans les effets, dans les accords ou quoi. Mais c'est pas le tout, c'est pas... Non, c'est pas dans le sens, quoi. C'est chanson. Smashing, ça reste songwriting américain. Oui, c'est-à-dire sur refrain complet. 15 minutes dans Smashing, tu vois, un peu où ça s'étale, où il le fait peut-être super temps, mais... Là, non, il le fait moins parce qu'en fait, les trucs, c'est... les Smash Mouth font pas de morceaux genre épiques de 15 minutes, genre avec beaucoup de bordel, etc. Souvent, t'as des passages un peu. C'est des petits passages, ouais, voilà. T'as des petits passages un peu hard rock qui vont un peu, même des fois, plus Pink Floydien, j'ai envie de dire. Il va pas dans des expérimentations, mais ça dure pas très longtemps. Quoi. Ouais, c'est vraiment un petit passage, ça dure peut-être une ou deux minutes, etc. Un morceau qui revient, qui reprend. Mais ça revient tout de suite sur un morceau très construit. D'ailleurs, Les refrains. C'est ça, c'est des chansons. Ouais, voilà. On est toujours dans CMS Dream, toujours dans une sorte d'efficacité avec la simplicité des morceaux, mais pas seulement aussi, parce qu'il y a des morceaux qui sont assez énormes, comme Silverfoot, qui est toi, t'as pas beaucoup apprécié. J'ai moins apprécié. Mais qui est complètement psychédélique, etc. Il y a donc, en fait, il y a toujours cette espèce d'ensemble de. De genre qui crée quand même une unité quoi. Et ce que tu ressens, enfin moi ce que je ressens quand j'écoute de cet album, c'est de la violence et puis de la tristesse. t'as tout ça qui est dedans. Et c'est une guitare. Ouais, tu peux en tirer une certaine énergie. Peut-être que ce sera un album bien pour conduire. Super bien. Tu peux l'interpréter. Franchement, donc, tu peux l'écouter dans des cas comme ça aussi. Ouais, par le souci du coup. Je trouve moins apathique que deux albums. Beaucoup plus dynamique que le reste de l'histoire. Je trouve qu'il est super bien équilibré entre c'est des moments justement assez énergiques et des franchement mélancoliques. Je pense qu'il est un peu moins énergique. C'est pas encore. c'est vraiment l'adjectif qui est trop bien, la musique est trop bien, je trouve de toute façon. Mais c'est ça quoi, c'est juste mélancolique. La mélancolie, c'est pas genre la tristesse, c'est pas non plus. Oui, c'est juste un instant. T'as le droit de te rappeler des moments heureux en fait. Il y a quand même du positif. C'est vrai que la nostalgie, ça va être un truc qui va. Ça va avec la mélancolie. Qui va avec la mélancolie, parce qu'on va enchaîner directement avec ce fameux album. Exactement. Exactement. Alors, c'est pas un album qui va sortir comme ça tout de suite. Bah non, parce que déjà, si c'est 95, qu'est-ce qui se passe en 94? Il y a zéro. Alors, 94, donc, déjà, il y en a un qui est mort. C'est pas zéro, ouais. Bon, déjà, il y en a un qui s'est foutu en l'air. Bah ouais, Euronymous, tué par Varguerre. Exactement. Non, ouais, alors voilà, la mort de Kurt Cobain. Alors, il y a encore plus le grunge dans le monde entier. Non, je pense que Varg, c'est quand même. Voilà, c'est ça. Les albums, leur tu peux dire que 94-95, c'est un petit peu, c'est à partir de ce moment-là où ça commence déjà légèrement. C'est même déjà sur le déclin, on est d'accord. Bah, ouais, mort de Kurt Cobain déjà. Bah, c'est complètement foutu en l'air le truc. Ouais. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de. En fait, c'est un moment où il y a beaucoup de suiveurs, rappelez-vous. Qu'est-ce qui sortait en même temps dans un genre tout à fait différent, les Hanson. Oh putain, qui était une espèce de copie pop. Je suis allé chercher quelque chose. Ah, attendez, Ernie Hansen, il s'en fait trop sur la vague rock alternative, mais pop un peu. Et Bim, t'as déjà un truc avec ses c'est un mec. Je sais pas, mais c'est possible. Non, Ernie Hansen, c'est ceux qui font une bop là. Ouais, c'est voilà, ça. Mais enfin. Oh putain, je sais pas si c'est exactement. Vous avez conscience que je vais devoir mettre l'extrait. Tu vérifieras déjà si c'est les mêmes années, mais à mon avis, il y a déjà des choses innovables qui sont sorties. Désolé, qui veulent surfer. Parce que dans le pop, dans l'industrie de la musique aussi, on veut essayer de surfer sur le rock alternatif, le grunge, etc. Il y a des choses comme ça qui sortent. Oui, 95, quand Melancholy sort, on est déjà dans un moment où les Chimiz à carreaux et tout ça qui jouent des accords saturés, ils connaissent. Ah bah t'es à balle de groupe là. C'est ça. Ils ont tous sorti leur meilleur album quasiment. C'est la profusion de groupes alternatifs. Ouais. Et ça touche tous les groupes. Ils sont toujours à drogue. Ah bah oui, enfin ça j'avais vraiment quitté leur rock, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ils ont tous. Enfin, le côté alternatif touche tous les courants. La pop, c'est-à-dire chacun s'inspire de. Le rock alternatif. Ouais. Et le rock alternatif va complètement disséminer toute la musique populaire, on va dire. Ouais, enfin surtout. Ouais, le rock et la pop. Un peu comme le black metal aujourd'hui. Eh bah oui, mais avec. On a joué ça dans le rap, quoi, par exemple. Bah c'est excitant, les groupes de rap et inspirés. Oui, si tu veux, il y a un groupe de black hip-hop plus qui est imprononçable. Non, ça n'existe pas pour nous. Ouais, mais c'est déjà un peu. Ah putain, un autre truc qu'on a oublié de dire sur Siamese Dream. Leur son, toujours par le même producteur, qui était super dur à reproduire sur scène. Ils ont dû s'arranger pour les tourner, à remanier un petit peu toute leur façon. Ouais, parce que le son, le son est tellement énorme. Sur album, c'est pour ça que tourner. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté un temps, en fait, leur tournée pour justement remanier ça. Mais cet album-là, il est tellement massif. Ça va plaire à Romain qui est parti pisser. Cet album a énormément influencé le son de Deftones en fait à l'époque. Ouais. Ça se sent un son compact. Compact. Et compact. Ouais, mais c'était. Ouais, ouais, c'est euh, C'était pas la compression à outrance, hein, mais non, bah, quand même, hein, c'était bien foutu. C'était les pédales, c'était... Ouais, c'était bien foutu. C'était travail, ouais. Et pour finir sur l'album, parce que je pense que j'étais là, hein, ouais. Et pareil, c'est une super surprise pour le groupe qui vend probablement l'album très vite. Ouais. Voilà. Et ils sont disques de plus. Ouais, voilà, deuxième album, 3 millions d'albums. Ouais. En 94, ils sont headliners de la Paralyza. Avec Pelman, tout ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, et d'ailleurs, qui apparaît. Et d'ailleurs, justement, ouais, à cette époque-là, ouais, ils apparaissent dans l'épisode des Simpsons. Ah ouais? À cette époque-là, parce qu'ils sont en tête d'affiche de Lollapalooza, et c'est les Simpsons font un épisode sur le Lollapalooza de 94. Ouais. Et donc, justement, il y a Billy Corgan et c'est pas en 94 que l'épisode sort. Non, je pense que c'est. Boulette Canon, j'aime ton attitude. Quand la vie t'envoie bouler, tu te relèves tout de suite. Billy, leader du groupe Pumpkins. Homer, leader du groupe Simpson. Vous savez, mes gosses pensent que vous êtes les meilleurs. Je vous remercie grâce à votre musique lugubre. Ils ont enfin arrêté de rêver à un avenir que je pouvais pas leur offrir. Bah, on essaie d'être différent. D'ailleurs, il y a un passage qui est très drôle avec Homer qui voit une affiche de Nine Inch Nails, ouais, et qui prononce hyper mal Nine Inch Nails. Et genre, ouais, Schmeich Mich Mails. Et c'est hyper drôle. Je vais dire, putain, c'est génial. Comme tout le monde qui n'arrive pas à le dire. Qui n'arrive pas à le dire. Et ça, c'est vos groupes qui ne sont pas connus. Sonic Youth, Nine Inch Mails. Pour rappeler, enfin, à quel point Guiche, ça a très bien marché, quoi. Après, c'est pour rappeler à quel point Siamese Dream, ça a super bien marché, en fait. Et, non, mais ça a bien marché aussi, parce que Nirvana, enfin, Kurt Cobain s'était suicidé, devait jouer à Lollapalooza, et Smashing Pumpkins nous les ont remplacés sur le pied. C'est sûr. Oh là là, ouais. Billy Corgan dansait sur les cendres. Et, de, oui. Et donc, du coup, les Smashing ont été balancés comme étant genre les headliners. Ah et ouais. Exactement. Pour Lollapalooza. Lollapalooza en 94. Ah ouais, c'est la même. Et okay. Du coup. Et est-ce que sur scène, en insultant Nirvana, il s'est tapé Courtney Love ou pas? Alors, non, il s'était déjà tapé Courtney Love avant. Ouais, ça tapait déjà avant. Ouais. Non, il s'était déjà tapé, il se la tapera plus tard en soirée. Ça redevient closer. Ouais, closer. On peut parler de c'est ça. Et déjà à l'époque, voilà, il me détestait. Kim Deal le détestait, lui envoyait des gros scuds. Kim Deal de Pixies. En tout cas, ça se savait déjà que tout le monde le détestait dans la scène. Personne l'aimait. Mais en tout cas, le truc, c'est que les Smashing Pumpkins ont été tout de suite vraiment élevés. Comme étant genre Nirvana c'est mort, bon bah ouais. le suivant ouais, ce sera Smashing quoi. Bien possible, ouais. Et genre les médias, ouais. Les. L'industrie du disque à vous dire genre bon bah eux c'est les prochains. Ouais c'est ça. Ouais. Et Billy Corgan il dit non. Enfin, moi j'ai rien à voir avec ce mec là, mais pas dans le sens négatif. Donc, genre non, on fait deux choses différentes. Dans sa chanson, c'est un peu parle que de lui et il se dit ouais c'est pas bien. Mais Kurt Cobain il parle de qui? Ouais non mais alors lui même aussi. Non c'est pas du tout la même. Il parle de l'adolescence. C'est pas la même écriture. Non mais d'accord c'est pas la même écriture mais de eux ils parlent d'eux-mêmes quoi. Oui mais parlent d'eux c'est ça. Oui mais Kurt Cobain c'est facilement plus universel. Dans le sens où ses paroles sont plus abstraites peut-être. Ah oui je suis d'accord avec toi. Billy Corgan il va peut-être plus influencer des groupes plus émo par la suite avec sa façon d'écrire. Oui. Parce que c'est des paroles qui sont certes bien écrites, mais c'est plus riche quand même. C'est vraiment de l'adolescence. C'est péjoratif le côté émo, je pense pas toujours péjoratif. Je pense pas que tu dises comme ça. Non, parce que dans l'émo, tu vas avoir aussi bien, je sais pas, Jimmy Eat World, ils vont faire des chansons de merde que tout le monde aime bien, qui est très pop. Non, mais c'est le côté genre. Mais d'un autre côté, ils ont fait un ou deux bons albums, tu vas voir Weezer, leur premier album, vachement bien, tu peux un peu les mettre dans l'émo. Et l'émo, ça veut dire du punk hardcore en fait aussi. Je sais bien, mais le truc, c'est que quand tu dis, genre par exemple, Kurt Cobain, c'est un peu. Ses paroles étaient un peu plus genre. Sérieux, je sais pas ça comme ça, mais. Comment ça? Que les paroles de... Kurt Cobain sont plus. Non, pas sérieux, sont plus universelles. Bah, si c'est plus abstrait, c'est plus facile de s'y retrouver, moi je trouve en fait. C'est plus facile de s'identifier. Mais. Et toi, tu trouves que c'est plus. Corgan, c'est plus écrit. C'est autre chose. Tu veux dire. Tu veux pas dire qu'en fait, Billy Corgan, c'est pas moins vrai, c'est juste que c'est. Non, c'est mieux pas ça, écrit. Je trouve pas que c'est. Moins bien, moins bien écrit. C'est juste une écriture trop différente, c'est pour ça. C'est pour ça que tu peux pas comparer, selon moi. Je compare dans le sens où c'est quand même des mecs qui vont mettre leur cœur sur la table, mais c'est deux façons de faire différentes. Oui, oui, oui. Et à côté où Kurt Cobain, il a un côté un petit peu plus. pas authentique, mais en tout cas un peu plus punk, peut-être. Oui. Lui, il écoutait plus de punk hardcore pendant que, à mon avis, Kurt Cobain, il écoutait plus des trucs plus gentils, tu vois. Kurt Cobain va vraiment mettre son cœur sur la table, genre, mais directement, quoi. Genre, il prend son cœur et puis il fout sur la table. Il raconte les trucs crades, il raconte un truc crade. Il dit des mots sales. Alors que. Alors, c'est marrant parce que je vais s'en parler sur une interview que j'ai mis en. Ça fait plus classe, on va dire. C'est un truc qu'on a reproché à Billy Corgan en disant genre ouais mais il disait, enfin c'est un fondiste de Noisy, il disait que ouais mais tes paroles sont très mélodramatiques. Oui. En fait c'est un et Billy Corgan disait bah oui moi je suis un mec sensible ça, ouais. Ou je suis un mec qui parle comme ça ou qui s'exprime comme ça, donc oui c'est forcément mélodramatique quoi. Mais en fait c'est ça, c'est comme et j'ai l'impression que Corgan était pas mélodramatique, il était plutôt dans le côté genre on va je te parle et puis c'est clair quoi. Tu comprends, tu comprends pas quoi. Il était plus mégalo au limite. C'est encore autre chose à mon avis. Mais... Je crois que c'est un autre délire. Une autre forme d'autisme. C'est, c'est vrai que les deux n'étaient pas très clairs. Hein. Ouais, voilà, enfin bref. Bon, bref, il y a eu du talent dans les deux, mais. Voilà, ouais, une façon différente de le faire. Désolé, j'ai un peu. Est-ce que tu trouves que, voilà, en plus, tout à l'heure, que Smashing, ça garde le côté. Le rock, c'est pour les ados, par rapport aux paroles, voilà. Bah, comme je disais tout à l'heure, je trouve que les paroles un petit peu plus. Puéril, mais encore une fois, ça a beau sonner péjoratif, c'est genre... Moi je trouve que Melancholy and Infinite Sadness, côté adolescent, si on l'avait filé après une rupture quand j'étais au lycée avec une meuf avec laquelle j'étais sorti pendant 2 semaines, t'imagines 2 semaines comme ça. Vous avez rentré avec moi avec elle, non, c'est pas... Bah non, mais je sais pas, j'imagine une meuf avec laquelle je serais sorti pendant 2 semaines, tu m'aurais fait écouter Melancholy and Infinite Sadness, ça aurait été mon album préféré. Ouais. Je pense. Parce que c'est un album parfait, on a dit, quand t'es un teenager et que tu passes par tous les états émotionnels, et c'est pour ça qu'ils sont bien construits, les albums de Smashing Pumpkins. C'est comme je disais tout à l'heure, ils ont cette énergie de la mélancolie où des fois tu vas attraper des moments heureux, des fois tu vas attraper des moments. Et Melancholy, ils sonnent vachement comme ça, Gish sonne comme ça de l'autre manière, Melancholy, c'est une autre façon de le raconter. Mais c'est toujours un peu cette même chose. Et c'est très teenage quand même. Ouais, mais je te rejoins. Aujourd'hui, je les écoute avec tendresse, mais je pense que ça m'aurait plus parlé avant. Ouais. Mais Melancholy, j'étais dans une période un peu relou, je m'étais flatzoné. Allez, voilà, toi, ça t'est arrivé, toi, à peu près. Il y aura la petite musique après. Ah ouais. Forcément, alors cet album, il était. La Friendzone, putain. L'espèce. C'est pas la Friendzone à cette époque. Ah non, tu savais pas comment ça s'appelait, tu sais. Tu disais, putain. On est à 4 Melancholy de. Ah non, c'est cette zone sombre qui n'avait pas de nom à l'époque, dont tout le monde cherche à s'extraire, quoi, tu vois. Ouais. Surtout quand t'es avec une nana que tu trouves trop bonne. Ça s'appelait meilleur ami de cette fille à l'époque. Oh, ça s'appelle tous les soirs. Ça s'appelait genre, non mais t'es mon meilleur pote et tout. Ah merde. Non mais t'es trop un ami pour moi, ça s'appelait comme ça. Ouais, grave. C'est comme ça. J'ai raté quelque chose. Mais toi t'es là genre, j'ai raté. J'ai entendu écouter plaisir. Mélancolie. Ouais. Exactement. Écouté, moi, Billy, il comprend, tu vois. J'ai écouté Alaska, t'es Mélancolie. Donc on va attaquer sur Melancholy, sorti en 95, un double album qui n'était pas prévu comme un double album à l'époque. Ah, hein, ouais. Parce que Billy Corgan a été très prolifique sur la composition, il a composé à balle. Il y avait une cinquantaine de morceaux qui étaient prévus. Ouais, sur lesquels il a travaillé, je pense. Il a quand même travaillé. Il y a aussi un petit truc, je ne sais pas si on en a parlé. C'est normal qu'il y a des chutes après. Il y a quand même pas mal de chutes, mais je ne sais pas si on en a parlé un petit peu avant, mais en tout cas c'est l'album où... Billy a un petit peu donné des. Pas des passes droits, mais en disant genre, ouais, James, tu peux composer avec moi. Oui, Darcy, tu peux enregistrer, etc. Voilà, il a commencé un petit peu à déléguer. Même ça, c'est par rapport aux deux producteurs qui sont sur cet album-là. Voilà, qui sont Alan Mulder, qui a joué dans Nine Inch Nails. Qui a beaucoup produit les trois premiers Nine Inch Nails. L'autre producteur qui s'appelle Flood, qui a bossé sur les trois premiers Nine Inch Nails, qui a fait Violator de Depeche Mode. Il y a deux producteurs qui font... Alors en fait, ils virent Butch Vig. Ils veulent aller plus loin en fait. Billy veut aller plus loin, il a déjà ses idées, il a déjà composé pendant la tournée de Smash Davey et tout. Après c'est pas mal d'essayer de s'échapper de la... Ils ont déjà fait deux albums. Forcément t'as déjà fait deux albums un peu pareils. Le deuxième est un peu mieux que le premier, plus bourrin. Le troisième, faut que ça... Donc ça casse c'est le classique, truc, le travail, faut que ça, oui. C'est le challenger en fait, la chambre. Et c'est leur volonté. Et du coup, c'est deux producteurs qui font que Billy Corgan est un peu moins chiant avec le groupe. Exactement, parce que et c'est pour ça qu'ils commencent à déléguer un petit peu. C'est plus long, c'est plus long, plus harassant, mais finalement ça se passait mieux qu'avant. Ouais, le groupe semble dire que ça se passe mieux entre eux, en plus à ce moment-là, qu'ils ont réussi à. Ouais, parce que James et Darcy commencent à se reparler un petit peu. Bah ouais, je pense qu'en fait, enfin dans ce qu'ils racontent en général du groupe, ils disent toujours que de toute façon cette espèce de relation sentimentale qu'ils ont eue, ils ont réussi à la transformer en amitié assez vite. Exactement, ils ont commencé à retravailler ensemble, et donc Billy Corgan compose énormément de morceaux avec un piano, une guitare sèche, etc. Il y a plein d'instruments différents, il y a des... Et puis ils vont rentrer dans la phase vraiment d'enregistrement, et là il y a tout se met en branle, il y a énormément, il y a beaucoup trop de morceaux comme tu dis. Ouais. Et on va faire un peu le tri, mais au final tout se... Enfin moi j'ai pas trop d'infos à part si certains... C'est juste qu'en fait il a fallu qu'ils se bataillent pour faire un double album, il y a combien de double albums qui marchent? Il y a quoi comme double album qui sont connus à l'époque, qui sont super... Il y a The Wall de Pink Floyd, il y a The Land, il y a Blonde des Beatles, il y a Physical Graffiti aussi, et puis en fait il y avait quoi? C'est un double album. Il y a le jeune de Guns N' Roses. Ouais, c'est vrai que ça s'est parlé de ça. Double album parce que ça a été vendu. C'est un double album. Ouais, c'est déjà c'est un double album. Ça a été vendu séparément au même prix. Mais du coup en fait le truc c'est que tout de suite sa production est... Ouais, tout à fait d'accord, mais Corgan, encore une fois, il a besoin d'être ce mec super déterminé et super mégalo, super sûr de lui pour faire en sorte de dire, en fait, non, je crois qu'on a trop de chansons, et là, j'ai vraiment un truc en tête, j'ai une vision, et on va écrire un album sur la vie en général. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, et là, c'est la pochette, des paroles. Là, c'est que des concepts que tu sors, alors que moi, je le prends pas comme un album concept. C'est un album concept. Pardon, toi, tu prends ça comme un album concept. Tout à fait. Oui, c'est un album concept, et il y a tout le temps la même thématique. Si tu fais un double, c'est forcément presque un concept. Oui. Alors, Billy, mais là, ça s'entend beaucoup plus en fait sur. Il a droit dans les yeux à Nagui en 94 à Taratata. Il a dit, c'est pas un album concept. Allez, exactement. Et il l'a dit à Nagui, hein. Attention. Donc sur cet album encore une fois qui est vendu au prix d'un album. On parle de quand même de non-commerce, mais c'est quand même, il faut quand même le préciser, c'est pas plus cher qu'un simple album. Il y a le Down to Dusk et il y a le Twilight to Starlight. Sorry? It's not a concept album. It's not a concept album. No, I just say it's the same price than one album. Le concept. No, I just say it's one. It's okay, allez. C'est pas grave, je vais le mettre de côté. Ça reste un même concept. La pochette, quand tu fais la... Même si tu écoutes même pas la musique, tu regardes la pochette et tu lis les paroles, c'est déjà un concept. Moi, j'ai vraiment pas pris comme ça. Enfin, je l'ai pris comme une histoire, ça c'est sûr. Ouais. J'ai pris comme un espèce de... Il y avait une logique. Ça parle toujours de Billy. Hein, non, mais il y avait une logique dans tous les morceaux qui s'enchaînaient les uns après les autres, qui étaient tous très différents. Parce que tu commences déjà par un... J'aimerais qu'on revienne un petit peu, quoi. On parle beaucoup de la conception, mais j'aimerais qu'on parle de la chanson, ou des chansons en tout cas, mais ouais. C'est vrai que quand tu écoutes, tu mets Mélancolie dans les oreilles la première fois, putain, c'est un trou au piano, qui t'amène... Epic rock, ouais. Au final, tu sais, la chanson Tonight Tonight, il y a même une intro avant. L'intro avant, genre au piano, qui est vraiment, genre, juste avant l'orchestration. C'est un vrai orchestre qui l'a fait. Voilà, en plus. Pourquoi c'est un album concept? C'est parce qu'en fait, la thématique, c'est tout le temps la peur de la mort. Ouais. T'as que ça. T'as que ça. Et autre chose qui peut être conceptuelle aussi, mais ça va être dans la construction d'album, la suite des morceaux. En fait, t'as un cycle. Entre les deux albums entre les chansons, ça c'est entre les chansons, parce que tu as des chansons très violentes. Mais ah non, c'est pas ça. Moi, le cycle dont je veux parler, c'est simplement que t'as le début de la journée et puis t'as la nuit, quoi. Tu regardes tous les types de chansons. Tu vois, ça commence par Tonight Tonight, donc pour moi, c'est vraiment la nuit se couche, quoi. Et par contre, est-ce que tu peux retrouver les noms des albums? Parce que chaque nom des titres, ouais. Enfin, les deux CD. Non, c'est Down to Dusk, le disque 1, et le deuxième, c'est Twilight Starlight. Ah, Twilight, parce que ça nous a fait plus cool. Ouais. Alors, Down to Dusk. Et la première chanson, c'est Melancholy and the Infinite Sadness. Après, ça enchaîne avec Tonight Tonight. Oui, voilà. Jelly Belly Zero, Is No One, Bullet Senior, Tokyo. Take Me Down, et après tu prends le deuxième album, World Boss Fear to Trade, Bodies. On va en parler de Bodies après. Ouais. Par rapport à The Wall, on en parlait vite fait. Ouais. Ouais. Billy, il comparait l'album The Wall, il disait que c'était un The Wall pour la génération X. C'est lui qui l'a dit. Oui, oui, c'est en parlant de l'enregistrement, après, hein, tu vois, donc c'était après, quoi. Ah, il est complètement mégalo. Il a le côté mégalo. Il est mégalo. Je pensais que c'était une phrase de journaliste, une chronique. Mais je sais pas si t'as vu l'interview qu'ils avaient faite où ils sont tous les quatre, d'ailleurs, c'est un MC. Ils n'ont pas vu d'émission française. L'émission Metal sur. Metal Express. Metal Express. T'as une interview où ils sont tous les quatre. Bon, c'est Billy qui parle, mais hyper mégalo et à fond, quoi. En même temps, c'est des mecs. Je veux dire, les plus gros trucs en fait, ça reste comme un album très gros, très massif, parce qu'il y a quand même. C'est quand même un double album avec 14 chansons à chaque côté. Moi, je trouve ça assez. Quand tu dis qu'il veut que ce soit le The Wall de la génération X, je suis désolé. Oui, je suis d'accord, mais. Alors, moi, je le prends pas comme ça en fait. Pour moi, c'est hyper ambitieux et ça va. Ça remplit. C'est hyper ambitieux, c'est très complexe. Et t'as 28 chansons, tu passes par toutes les émotions, t'as une belle pochette, t'as des paroles qui sont quand même assez profondes, quand même, sur là, plus que sur les deux autres, premières. Oui, mais je trouve qu'il pousse le truc hyper loin, quoi. Ce que j'entends dans Mélancolie, je l'entends pas dans Guiche ou Samy's Dream. Ah non, pas du tout. Ouais. Moi, c'est là où. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté genre. Il y a du heavy metal dedans, dans t'as le folk à la Lyon, ou puis. Et le DMCD est vachement. Le DMCD est vachement expérimental. Non, mais t'as des chansons, t'as des balades, des balades de ouf, genre Galapagos. La chanson d'après, il y a une piste de guitare juste à côté. Enfin, je trouve que cet album est hyper complet sur tous les plans et à cette époque, et je l'ai trouvé pas parfait, mais en tout cas, j'ai retrouvé toutes mes influences que moi j'aimais dans le rock ou dans le métal. Autre chose encore, hein, pour remettre une couche sur le fait que c'est un album concept, n'en déplaise à ce que peut dire Billy, mais j'ai quand même l'impression qu'il est un peu changeant sur ce que pense Billy même. Et le mec, ils ouvrent Mélancolie avec une sorte de petite mélodie au piano, il me semble. Ouais, et en fait, ils le ferment avec Farewell Tonight, c'est ça? Ouais, exactement. Et là, on est vraiment dans l'histoire du cycle. C'est le début et la fin. Et tout ce que si tu suis, en fait, les paroles, etc., on est vraiment dans l'aspect cyclique. Il n'y a que les albums qui ont un concept déjà total qui font ce genre de choses. Tu vois le côté cyclique que tu dis, c'est pour moi, c'est le côté genre, c'est une journée pour moi. Oui, mais c'est pas seulement ça. C'est vraiment le soleil se lève, se couche, et t'as un recommencement. C'est la métaphore. Et c'est pour moi, c'est le seul concept qui existe. C'est la métaphore entre la vie et la mort. C'est la métaphore entre la vie et la mort. L'enregistrement de l'album qui est. Ils sont passés 6 semaines à bosser après l'enregistrement. Seulement 6 semaines. 6 semaines à bosser 14 heures dans le studio pour dire vas-y, ça c'est bon, bosser toujours en post-prod. Il y avait un travail après l'enregistrement déjà. Dans l'enregistrement, tu parles de la façon dont. Après l'enregistrement. Je pense qu'ils disent qu'ils ont bossé pendant 6 mois, 7 jours sur 7, et 6 mois. Ouais, ils sont quand même. Ça m'étonne pas, moi. Bah oui, mais quand t'écoutes la gueule de l'album. Mais 6 mois, c'est jour sur 7, de midi à minuit. Après, il a été en train de jouer. J'ai vu, c'est Darcy ou Jimmy qui dit ça. En tout cas, les mecs, il y a vraiment. Peu importe la durée, je pense. Ouais, enfin, 6 mois d'enregistrement long. Ah non, c'est long. Il y a un taf de malade derrière. Mais ça s'entend tout de suite, dès la première note. Tu l'entends tout de suite. Le taf, il est fou. Mais c'est. Le problème, vous voyez tout ce qu'on raconte là, toute l'élaboration du truc, en fait on en parle comme une copie parfaite, quand tu rends une copie et qu'elle est parfaite en fait, et que t'as 20 sur 20, en fait l'album il est trop parfait, ouais. À un moment t'en peux plus, est-ce que vous arrivez à l'écouter de A à Z? Oui, bah c'est vrai, ça fait longtemps que j'écoute de A à Z en fait, et là je réécoute encore, tu vois. Mais 75 minutes, je sais pas combien ça. 120. Ouais, mais moi ça me dérange pas, deux heures. J'ai toujours adoré. Il y a 2 heures. C'est 2 heures et 50 secondes. Je n'ai jamais réussi à l'écouter de A à Z. Moi, cet album-là, je l'adore. Je l'écoute de A à Z sans sourciller d'un poil. Et alors moi, je l'adore. Et en plus, adore, ça va être un truc que je vais entendre plus tard. Mais c'est sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, oui, c'est un album que j'aime. Je trouve ça génial, cet album. Ouais. Il m'a parlé, première note, justement, jusqu'à la dernière. C'est ce que je veux dire, en fait, il a un côté trop parfait. Pas de ce qu'on attendait de lui, mais regardez, il veut des producteurs qui ont son plus digital, on va dire comme ça. Ou du coup, il raconte que ce qu'il voulait, lui, en fait, Budge Vic, c'était bien, mais ça dégoulinait trop. Il voulait un son de guitare qui était tout tendu, ou même si tu mets 50 notes de guitare, et bah, elles sont toutes au même prix. Et ça va donner ce son vraiment très, très tendu. Quand ils font des zigs un peu plus métal dans... Des zigs des... Oh non, ça suffit. Arrête avec non. ça oh, quand ils font des zigs... Ah, oh, ça suffit. Quand ils font des zigs un peu plus métal dans cet album-là par rapport à... Par rapport à... Bah non, mais il y a des chansons avec des... qui sont quasiment du métal, on peut dire. Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Voilà. Et il y a des chansons qui sont beaucoup plus métal que d'autres. Celle-là, elle sonne beaucoup plus dure, mais beaucoup plus froide, qui sont beaucoup plus... Je sais pas à quel point. C'est comme par si exemple, un autre groupe en fait à chaque ouais, fois. Ouais, Nine Inch Nails, Marilyn Manson et d'autre part Smashing Pumpkins, ils sont un petit peu influencés. Ah bah complètement, mais c'est le même prod, c'est le même producteur de voilà, tout ça. Mais tu sens un côté comme ça en fait qui fait que moi je perds un petit peu. Justement, tu parlais du côté naïf et tout, Panda, au début, que tu pouvais la ressentir dans les premiers albums des groupes de grunge qui ont un côté justement super spontané. Ou même si c'est pas ton genre de voilà, pour le faire, tu vas reconnaître un truc genre putain ils sont kiffés, voilà c'est plus du grunge là. Voilà j'entends plus, voilà exactement. Ah ouais, même ouais, ouais, ouais, autre chose, c'est ouais. Super bien, mais ça me parle pas du tout parce que c'est vachement froid, t'as l'impression que c'est genre qu'est-ce que les gens ils vont bien aimer, toutes les chansons elles sont assez. Ah ça manque, je pense comme ça. C'est vachement bien, c'est trop clinique. Calibré. C'est, bah, je voudrais pas dire ça, mais c'est tellement bien. En fait il a été trop influencé par sa production. Et je pense que Billy Corgan il a très bien suivi sa marque. Mais il a essayé peut-être de rendre quelque chose de trop... C'est un très bon musicien, il a très bien compris comment ça marchait. Depuis qu'il était petit à l'école, quand il a appris à jouer de la guitare, il voulait être numéro 1 dans les charts. Super, et là, il parvient avec Mélancolie, mais donc... Et parce que cet album, en fait, il réussit à embrasser plein de choses que tous les gens, des gens qui aiment bien les Hanson, aux gens qui aiment bien, j'en sais rien, moi. Toi, tu le vois comme ça, là, c'est vrai que ça brasse large. Mais ouais, ça brasse comme album, comme ça. Et d'une chanson à l'autre, et il paraît qu'en plus du CD au vinyle, les chansons sont pas dans le même ordre. Et ça, c'est un problème. Je vais vérifier ça. Ça, c'est un problème d'édition. Non, c'est un choix de Billy Corgan. Et en fait, c'était un peu pour faire un pied de nez au côté album français que je vais te laisser, c'est un moment pour l'instant. Mais c'est assez rigolo en fait. Mais du coup, ça remet en question la question d'album aussi. Genre, normalement, en général, tu vas parler à un mec qui a un album, il dit j'ai bien construit mon album, cette chanson elle va très bien avec celle-ci, celle-là. Imagine que ils font des chansons tellement différentes. D'un côté ils font du métal, d'un autre côté ils font quasiment de la country comme on disait, d'un autre c'est une balade, après c'est quasiment une vie, des trucs comme ouais. Ça, et à un moment il y a un gros solo et tout. Oui mais est-ce qu'il y avait une vision derrière, tu vois, enfin il y avait une vision, avant de le faire, ouais. C'était un moment il l'avait en tête déjà avant, tu vois. Ouais mais voilà, encore une fois, c'est qu'il l'avait, tu vois, je pense. Ça avait une ligne de l'eau à mon moulin, genre. C'est pas si dire, on a son contrat, on a un studio, tiens moi je vais faire un deux albums. Ouais, et voilà, il manque un studio. Surtout qu'il avait un trop plein d'un. Surtout qu'un album double, c'est très mal vu par les maisons de disques à l'époque. Ah, tu vas te pointer, tu vas voir ton producteur ou ton label, ils y croyaient pas, et tu vas dire genre ouais bah mon album sera un double album. Putain mais les mecs ils disent ah, attends mec tu vas t'arrêter. Et pourtant. Tu vas nous faire 12 chansons et puis tu vas faire ta gueule quoi. Et c'était vendu au prix d'un CD. Ils ont pas fait comme les Guns. Hein. Peu importe qu'une chanson. Peu importe qu'une chanson. Allez, prends ça dans les dents Axel. Parce que les Guns ils faisaient ça. Allez bam. Allez Axel, espèce de petit con. Non mais ouais. Peu importe en fait que sur le vinyle que les chansons en fait elles soient pas dans le même ordre. Parce que quand je te dis en fait que ça parle vraiment d'un même thème en continu, oui. C'est peu importe en fait l'ordre du cycle, parce qu'il existe tout le temps, et toujours là. Et peu importe le début ou la fin, c'est puisque en fait le début c'est la fin. Tu prends vraiment l'album dans son entièreté, quoi. Donc, bien c'est sûr. Tous albums, c'est indissociable. Non, c'est pas possible. Pas, genre, l'un n'existe pas sans l'autre, quoi. C'est... Non, mais il y a pas voulu faire ça. Il y a une époque, j'écoutais plutôt un CD que plutôt que l'autre. Genre. Parce qu'il y a un CD qui est plus métal, plus catchy, etc. Il y a l'autre album, je crois que c'est Twilight ou Starlight. Celui-là, il est un peu plus concept. Et justement, c'est là aussi où on en vient quand il voulait construire son album et qu'il en a parlé comme le The Wall de sa génération X, c'est que tu vois, t'sais, au studio, ils se lâchent un peu plus, ils vont arrêter de toucher tout le temps à des guitares ou des trucs comme ça. Et les mecs, ils vont faire quoi? Ils vont prendre des ciseaux, des machins comme ça, pour essayer de construire des sons qui sont complètement différents, quoi, par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant. Donc c'est ça aussi, en fait, le concept album, tu vois. C'est là, en fait, où le mec, tu vois qu'il veut aller quelque part, mais en même temps, il y a une recherche créative, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être pour ça aussi, en fait, que finalement, c'est un album qui s'est super bien rendu, parce que c'est un album aussi qui a été... Qui va très loin, et ça se voit. Il parlait à tout le monde. Ça se voit qu'il y a eu du travail créatif derrière, et ça s'entend, et ça fait plaisir, en fait, tu vois, c'est... Ouais. Voilà. Mais que je trouve un bel album. Très bel album. Je disais tout à l'heure, c'est typiquement l'album de rupture aussi celui-là. Ah bah complètement, putain, on vient se taper tous les éléments là. On vient se taper Edition, Sabia's Dream, et là le mec te sort un double album hyper complet avec tout son panel. More sadness. C'est ça que ça te suit, tu sais. Pour Nelson, et puis Romain, le truc, tu sais, lorsqu'ils disent. Tu me parles pas. Si, je te parle à toi justement. Justement, parce que ces deux personnages, ils arrivent à écouter l'album entièrement comme ça, quoi. Et c'est pas le cas de tout le monde, hein. Justement, c'est un album aussi à tiroir, hein, t'arrives, tu fais putain, je pioche, il y a des trucs qui me passent là. Ouais, justement, ouais. Bah, j'aime bien voir les tiroirs, je suis curieux, moi. Donc, et justement, hein, dans un des tiroirs, il y a par exemple, il y a une magnifique chanson qui s'appelle Bodies. Bodies, c'est... Allez, c'est bon. Alors, on passe sur Bodies. Ouais, Bodies, quoi, donc... Bodies. Bodies, motherfuckers. Bodies. C'est vraiment une putain de chanson. Bodies. T'as les guitares à balles, t'as vraiment la pire rage de l'homme. T'as la pure rage dedans, et je préfère même parler de Bodies que Bullet, Fly, Wings, je sais pas quoi ta race là. Butterfly Wings Bullet with Butterfly Wings, je pense. C'est ça, Bullet with Butterfly Wings. Vous pouvez suivre mon podcast sur la prononciation de type de qualité en anglais. Apprenez à prononcer les meilleurs français de rock. Et du coup, je voulais pas suivre. Raining Blood. Repeat after me. Raining Blood. You're ready to go in FS. Raining. Hi, I'm from Mexico. Bon, les mecs, si ça continue comme ça. Where does the woman place? Si ça continue comme ça, je vais sortir. Decapitated. Je vais poser mon pénis sur la table, s'il vous plaît. Au moins, il y aura peut-être des gens qui écoutent. Tu mets un serviette, s'il te plaît. Trop petite. Bon, allez, bref. On arrête de se confondre, on se perd. Bref, et cette chanson plus qu'une autre, en fait. Elle est pleine de fougue. Ah Billy, allez, lubrifie-toi ton crâne, attention dans le boule. Exactement, putain. Le mec, il a niqué ma vanne, quoi. Hein? Niqué ma vanne. Une super reprise donc de Bodies par Cult of Luna. Ouais, par Cult of Luna. Enfin, on parle post-hardcore. On parle de post-hardcore dans ce podcast. Non, et il a voulu me faire écouter cet après-midi, mais j'ai fait ouais. T'es vraiment un bâtard. On va l'écouter tout de suite. Qui m'envoie en général. On va l'écouter tout de suite, d'ailleurs. Mais dis non. Juste au moment où on fera une pause, on te la fera écouter. On fera un peu de chance. Et donc une chanson... Dans les commentaires. Bodhi, ce qui est déjà un très très bon morceau, qui est très très vénère, très... qui est très sale, parce que la Miss Suicide, c'est quand même dur. Oui, c'est vrai que c'est pas un truc très... Oui, tu t'étonnes à chantonner ça lorsque tu l'écoutes derrière. La Miss Suicide. Et t'es tout content, en plus, t'as le sourire. T'imagines que tes écouteurs, les gens peuvent te regarder. mais en vrai, je chante ça avec le sourire, bordel. Et cette chanson est géniale. Et la reprise de Cult of Luna, putain, mon gars, moi, la première fois que je l'ai entendu, j'ai eu des frissons partout. Oh, putain, tellement énorme. Non, frissons partout. Non, mais là, c'est des frissons partout. Bien, vraiment, vraiment, ces frissons, ils s'arrêtent aux aisselles. Partout, quoi, mon gars. J'avais une crête au cul, Ah, c'est incroyable. J'ai eu un rond, c'est vous la tête au Kibishibre avec Bobby. Alors, bon, certes, on avait parlé de Bobby, il a la rencontre de Kibishibre. Lui, il a pas de chaud. Mais ouais, bon, Mélancolique c'est quand même un album assez... C'est un putain de pavé dans... C'est, ouais, c'est un gros pavé, un album qui est très bien rendu. Et pour le coup, c'est bourratif, hein. Pardon, allez-y. Ouais, vas-y, vas-y. Bon, ouais. De toute façon, on l'a dit, Un album qui a quand même... voilà, c'est un album de rock, métalleux, voilà, il y a toujours... Ouais, ça, un peu comme le de tous les albums, mais sur celui-là, le son est vraiment métal. C'est un album qui a toujours été dans les deux, un peu, des gens qui sont fans de rock, qui se machinent, enfin, du rock, tout ça, mais métal... Ouais, peut-être, pour adhérer à ça. Merci pour cette information. C'est quand tu veux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais tiens, allez. C'est une énorme tournée derrière comme d'hab alors qu'ils savent que ça les épuise. Ah, c'est évidemment pendant cette tournée. Qu'est-ce qui se passe? Début de la tournée Mélancolique, le claviériste. Ah oui, oui, c'est vrai, on a oublié comment ça. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Jonathan Mountvine. Et ça peut paraître un point closer, mais c'en est pas un du tout, c'est quand même important. C'est quand même malheureux en fait. C'est ce qui va faire écarter Jim Chandler de la prochaine production. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, en gros, ils étaient à New York, voilà. Et Jim Chandler et le claviériste étaient en recherche de... Bah, de en goguette, à New York, à la recherche d'un petit peu d'héroïne. Un petit fix, etc. Et donc, ils se la gueule tous les deux dans une chambre d'hôtel, et il y en a un qui en prend trop. Non, les deux en prennent trop, ouais. Les deux font une overdose. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui reste... Pas overdose, hein. Si, il a fait une overdose, sauf qu'il y en a un qui est réveillé, l'autre non. Donc il arrive dans l'entreprise, il y en a un qui meurt malheureusement, et ça fait un petit peu de tu rentres chez toi, tu rentres pur. Ah bah, et surtout il le vire du groupe, parce qu'il vire nous. Et le reste de la tournée est faite sans Jimmy Chandler. Dans une interview que j'ai vue, Jimmy disait lui-même, je me serais viré. Voilà. Là, ils se sentaient coupables. Mais ils se sentaient mal. Hein. Les années aidant avec leur cul, j'imagine qu'ils s'étaient quand même soignés de sa drogue. Il y a un truc à noter, c'est que Jimmy Chamberlain est le plus âgé des membres de Smashing. Il a presque 60 ans aujourd'hui. Les autres, ils ont 45 ans. Les mecs ont 45, à peine 50 ans. Ils ont vraiment une grosse différence d'âge. Jimmy Chamberlain est le plus âgé du groupe, on va dire le plus mature. On peut imaginer, et en tout cas, sa consommation, et pourtant c'est le mec le plus bourrin, le plus bourrin de tous les des quatre, quoi. Bah c'est le jazz, hein, ça. Hein, c'est... Ah, c'est ça, le jazz, ça fait beaucoup c'est de mal. C'est les syncopes. C'est la Saint-Germain des Prés, dans la Nation. C'est quoi, c'est la Gachadero. Bon, bah voilà, du coup, ça fait un petit peu mal au succès du... Enfin, d'un côté, le disque a beaucoup de succès, mais le groupe ACS, ça fait quand même beaucoup de mal au groupe, quoi. Ouais, en fait, ils sont ruinés, quoi. C'est pas rien, quoi. Voilà. Ils doivent virer leur batteur aussi, en plus, avec lequel ils... Enfin, ils ont fini la tournée. Nick Organ dit qu'il est toujours en phase, vachement, avec le batteur, et le virer, ça a été un crafter, en fait. Bon, en tout cas, ils déroulent. Ils sont très, très potes, hein. Ouais, déjà, les Billy Corgan sont très potes, mais musicalement, ça s'entend que... Enfin, ça doit être le seul membre dont ils n'enregistrent pas la musique. Sur des albums qui est revenu après. Alors, ouais. Parce qu'il doit pas en être très capable aussi. Bah non, mais bon, quand il pense, il n'enregistre pas plus. Mais c'est peut-être pour ça qu'il doit en faire, il l'aurait fait. Quoi. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il a beaucoup de respect pour lui. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il se dit, tiens, alors ça. Ouais, ils jouent tout simplement bien ensemble, je pense. Ouais, c'est ça, il y a des gens qui jouent bien. Ouais, c'est ça. Les batteurs, les guitaristes, hein. Ça fait des bisous, hein. Hein, des soeurs et des autres. Et alors, juste avant qu'on passe au prochain album, il y a quand même un truc que Smashing Pumpkins fait. Oui, c'est Tu veux parler de Batman? Ouais, exactement. Là, je le savais. Ouais, Batman et Robin. Parce qu'en 97, donc juste avant la sortie de Adore, les Smashing sortent le morceau The End is the Beginning of the End. qui est un morceau sur la BO de Batman et Robin, avec un film catastrophique sur Batman. Ah, c'est le pire Batman de l'histoire. C'est le pire Batman de l'histoire. Il est horrible. Avec Uma Thurman qui c'est vrai, le casting est génial, vous en avez dit, vraiment. Mais cette chanson est géniale. C'est Robert De Niro qui joue... Tommy Lee Jones qui joue... Non, ça c'est dans Batman Forever. C'est dans Batman Forever. C'est dans tous les deux. Du coup, c'est déjà que c'est dans celui-là que. Donc, tu connais vachement bien Batman. C'est du tout qui fait la chanson. C'est un frère par hasard. C'est du tout qui fait la chanson pour Batman Forever. Ah, ouais, ah oui, alors. C'est la meilleure chanson du tout. Le You. Ah oui, ah oui, putain, c'est la meilleure chanson du tout. Genre, le This Sunday, tu l'oublies quoi. C'est vraiment. Il y a vraiment d'autres morceaux. Tu la mettras d'ailleurs. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! On testait du nouveau matos hein, pour vous enregistrer l'épisode et il s'avère qu'on ne sait pas trop le maîtriser. Donc on a réussi à perdre toute la partie qui parlait d'Ador et de Machina. Donc on ne vous les présentera pas. Hein, voilà. Donc bah désolé. Hein, voilà. Donc on passe à la suite. C'était vraiment très intéressant. La sortie de Ador, on sent des boîtes à rythme, des côtés électro-sensibles, etc. On fait un truc un peu plus dur, un peu plus vénère. Et Machina 2 qui sort la même année, mais cette fois-ci disponible sur Internet. Et seulement sur Internet. Parce que Virgin n'était pas intéressé de distribuer ça, vu que le premier n'avait pas fonctionné. Et là, c'était un EP. Voilà. Donc, il n'existait pas le genre c'était de format. Plusieurs fonctionnés. Ouais, ce qui n'avait pas fonctionné, c'est qu'ils avaient déjà refusé de sortir. Tout simplement, ouais. Refusé, tout simplement. Donc, par rapport aux ventes, en fait. Bah, Billy, il fait quoi? Il est disponible sur Internet, grâce. Voilà. En fait, il distribue des exemplaires assez proches. Et comme on l'avait dit, ouais, les mecs, ils peuvent se permettre de le faire parce que derrière, ils ont vendu 10 millions de balles. Mais ça reste des clés en 2000. Ils sont sécures, quoi. Ils peuvent balancer les chansons. Enfin, c'est sûr, c'est sécurité. Mais oui, mais par contre, c'est vrai, Théo, il a raison. On est dans les années 2000, c'est quand même. Ouais. Quasiment des précurseurs en fait de. Ouais, de balancer son son sur Internet. Mais surtout que d'aller sur un site pour télécharger, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. Non, par rapport à Bandcamp, par exemple. Je trouve que dans les années 2000, j'étais encore sur un truc AOL 70 heures. C'était pas encore ça quoi. Bon, du coup, après le. Qu'est-ce qui se passe, Maurice? C'est pas. Et comme c'est qui? C'est James Young. Tournée d'adieu, faut pas oublier. Voilà. Ah oui, une tournée d'adieu. Romain, t'as des affiches dans le métro. Affiches dans le métro, tournée d'adieu. De belles affiches d'ailleurs. De très belles affiches, hein. Parce que les mecs reviennent après un bon petit hiatus assez long. Je sais pas trop ce qu'ils font entre temps. Il y a James Young qui se barre dans Upper Peck Tartan. Ah voilà, exactement. James Young qui a tourné. Certain Step. Bon, ok, mais il fait quoi Billy après? Billy, il fait Zwan, hein? Ah oui, le fameux One avec Honestly. Et attention, ah grave, ah ouais, putain, c'est un peu comme That's the Way, That's the Way. Non, ça c'est sur Guys. Alors j'explique, c'est pareil, j'explique vu que ça fonctionne, hein. Ça fait 5 fois qu'on essaye de refaire la fin vu que notre appareil nous lâche sournoisement en plein enregistrement. Donc là on passe super vite fait. Twan, donc pop sucré, un peu loin de ce que faisait en fait Smashing Pumpkins, j'ai fait dire Metallica. Smashing Pumpkins dans leur album Machina. Et ça à cause de ce con Théo là. Machina. Il nous a rentré ça dans le. Il y a une Metallica dans la tête. Non mais ça c'est un truc. Guitare moins saturée. Guitare moins saturée. C'est pas un album. Je comprends ce moment. Un album de plâtre. C'est un projet. Non mais c'est un album. Je pense que c'est un album chaise roulante. C'est un album qui rend justice en fait. Le salon, il a même pas écouté. Il a même pas écouté. Je ne change même pas. Et je vais la refaire encore une fois, si vous la connaissez pas. C'est l'album que t'écoutes lorsque tu t'es fait sortir de la friend zone, quoi, voilà. Lorsque t'es bien en couple et que tu t'es fait ton petit punch et puis tu regardes ta copine tranquillement. Tu t'es fait l'art sur les. Putain. Genre Lars, il dit non, c'est pas vrai. Et friendzoné dans la même soirée. Bref, Zwan, vous l'écoutez lorsque vous êtes bien dans votre vie. Et puis qu'il y a du soleil, et puis voilà. Et puis voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Qui est pauvre con, ouais. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part faire des références à Die Hard et Lift of Bordel d'ailleurs. Et là, on fait un bond dans le temps, on part direct en 2027. C'est une année assez rare quand même. 2007, ça suffit largement. Et en 2007, il y a l'Esprit du Clan qui sort un album. L'Esprit du Clan. Pas sûr, mélange tout. Zeitgeist, qui veut dire. On sait pas combien de temps ça dure. Et où, en gros, elle en est où la team de Wear en 2007? Putain, on en a trop marre! On en a trop marre! Il y a l'emmerdement de Perfect Circle qui sort. Et genre la team de Wear, ils font quoi, eux? Mais à chaque épisode, on en parle, arrêtez! J'en peux plus de la team de Wear! Oh putain! Je vais me passer un album de Playboy en puissant. Vous avez parlé, vous avez dit que c'était bandant ou quoi. Ouais, la bassiste qui jouait sur Zed Guest, qui a prétendu être la... Et tu crois que c'est le facteur majeur qui l'a fait jouer dans les Smashing Pumpkins ou pas? Parce qu'elle a mis un peu de trucs sur son CV. Je pense qu'elle a juste voulu se faire apprécier Billy. Ouais, c'était ça dans l'interview après. Non mais je suis sûr que c'est ça. Genre Billy en studio, genre... Les personnes qui bossent avec lui veulent se faire bien voir de Billy. Elle a juste revendiqué ça, mais elle avait pas forcément dit à notre ami Corgan. Notre ami Corgan. Pour Zed Guest, grosse tournée mondiale, ça claque des Bercy, ça claque des... Des Zénith et... Mais ça claque jamais des Darcy, parce que toujours pas là. Ah bah Darcy, de toute façon, elle va pas revenir, hein, donc... Non, spoiler alert, Darcy reste en 40 avec Ona, elle ne reviendra jamais. Darcy, c'est même pas... Elle est pas du tout... Et après Zed Guys, qu'est-ce qui se passe là? Bah après, en fait... Pas grand-chose, non, il y a un EP qui sort, c'est American Beauty. Oui, il y a un petit EP qui est pas ouf, mais qui est... Non, j'ai écouté, mais qui... Il change la typographie du... Mais il lâche tout le temps. Enfin, pour moi, tous les albums... Bon, bah voilà, je pense que... Si, il y a Romain, toi, tu voulais dire un truc intéressant sur ce qui s'est passé là. Mais en fait, c'est toute la période qu'il a fait après Zeitgeist et la période qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, c'est Billy tout seul. Non, il y a Chamberlain aussi. Non. Chamberlain, c'est barré après. Il y a un truc, c'est que Billy Corgan commence à un projet qui s'appelle Tea Garden et Kaleidoscope, qui est en fait un projet sur le long terme avec des morceaux qui vont sortir de façon ponctuelle sur Internet. Encore une fois, il recommence son truc. Et en fait, il veut faire une box, il y a un truc avec Tea Garden. Il voulait faire un morceau, un album de 40 morceaux machin. Mais c'est ça. Il dit, ouais, c'est un peu con quand même. Il a fait ça tout dans son coin. Parce que là, il est vraiment solo. Il est tout seul. Il n'y a pas de Jimmy Chamberlain qui veut... Il est tout seul. Sur le Tea Garden by Kaleidoscope, là, quoi. Il a fait 44 morceaux. Il est quasiment tout seul. Oui, donc les personnes qui sont à côté, c'est des potes, quoi. C'est pas des potes de studio. Ils sortent en musicien. Il y a même Tommy Lee qui va jouer. Il y a un album où il y a Tommy Lee de Motley Crue qui va jouer avec lui. En fait, Billy Corgan, c'est un gros fan de Motley Crue. Et il a demandé à Tommy Lee, ouais, tu peux pas jouer sur une chanson. Billy Corgan, tu peux avoir le mec de Motley Crue. Et en fait, tu lui as dit non. Du coup, sur tout l'album. Ah, ça, c'est bien de Tommy Lee, ça. Ok. Allez. Bah ok, ouais, vas-y, vas-y, viens jouer, quoi. Ouais, allez. Et après, au-delà de la musique, il y a Billy Corgan qui, quand même, fait des petits trucs dans cette période-là. Il devient producteur d'une ligue de catch parce qu'il kiffe le catch, le mec. Oui, c'est un grand fan de catch. Et c'est très marrant, il va un mec qui est pas viriliste ou quoi, qui dit ouais. Attends, genre, je vais investir dans le catch. Bah c'est peut-être le paradoxe du ricain. Ouais, c'est pas grand-chose. C'est là où ça se voit, c'est quand même un bon ricain, quand même. Je pense que ça fait kiffer. C'est peut-être juste qu'il a 50 ans, qu'il est devenu un gros robot, qu'il a regardé ce catch. Si en plus ça peut être son catch, tu vois, il est genre... Son catch. Ouais, c'est parce que je pense qu'on a chacun des petits délires qui sont pas propres à notre personnalité, tu vois, c'est... Ouais, ça va pas, c'est pas très raccord. Ou l'image qu'on peut renvoyer, tu vois. Ouais, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de la botanique, et Bah oui, donc on va juste faire un peu... un petit passage sur toute la partie Tea Garden, où moi j'encourage beaucoup Océania qui fait partie du projet Tea Garden. Moi j'encourage beaucoup les gens à écouter tout le projet Tea Garden, parce que même si t'aimes pas la pop ou des choses comme ça, ça reste des albums très bien construits. C'est du Billy Corgan sans pression de label ou de sortie d'album. Il sort ses morceaux les uns après les autres, gratuitement sur internet, encore une fois. Mais c'est bien foutu, quoi. C'est vraiment bien foutu. C'est pas le meilleur de Smashing, c'est pas le meilleur de Billy Corgan, mais c'est bien branlé. Vite fait, en disant genre, il y a un dernier album qui est sorti, on a écouté. Bon bah pas vraiment. Ah bon, moi je l'écoutais. C'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire que moi je parlais la dernière fois de... Ouais, c'est chiant de ouf. Oui, il faut savoir qu'il y a Jimmy Chamberlain et j'aime ça bien. Ouh là là. C'est le vrai retour de Smash Mouth. Ouais, mais on sait pas encore qui a composé. Alors, moi je me mets en tant qu'écouteur, que ancien fan ou fan tout court. Est-ce que ça me donne envie d'écouter? Non. Voilà. Et j'ai envie de conclure là-dessus, en fait, les Smashing Pumpkins, c'était bien à leur époque, et je pense que c'est un peu résolu, en fait, cette période-là. Et je préfère rester sur ma nostalgie, et puis... Ouais, j'ai même pas envie d'écouter le reste. Franchement, j'ai pas envie. Voilà. Une dernière question, quel groupe est meilleur que Smashing Pumpkins? Évidemment, c'est juste une question. Je pensais que tout le monde allait à la fin de plein de groupes, ça. Nickelback, tout à fait. Ah, mais tout de suite, non. Bah, c'est surtout les groupes, on va dire, quand même à l'époque, c'est la fête grave, ils sont cool tous. Il y avait quand même Oasis en face. Hein. Oh putain. Oasis, ils sont dans une catégorie à part. Non, même pas musicalement. C'est juste genre, les mecs jouent pas dans la même catégorie, quoi. Ouais. C'est vraiment pas la même catégorie. On est sur un... Même si je vois le lien que je fais entre les deux. Même niveau de notoriété. Romain, ou de mégalomanie, peut-être. Le niveau de mégalomanie. Ouais, je pense que Devil It Be Maybe, ça doit être leur plus grand succès. Leur deuxième, il est sorti l'année d'après. Il sort en 95, leur album, les Country Maybe, je pense. Donc c'est comparable en termes d'époque, quand même. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, moi les Smashing, il y a un truc, je voudrais faire le lien avec un dessin animé que j'aime bien. Et je rapprocherai des Smashing, si vous voulez comprendre à peu près de quoi ça parle, vous regardez Daria. Ah ouais, Daria, c'est vous regardez la Daria, la série de MTV, qui est passée entre 97 et 2001. J'adore Daria Morgan, non. Et Jeanne, Trent, Queenie. Ouais, et je vous jure que si vous aimez les Smashing, vous aimez bien l'univers, vous prenez un peu près le délire, et tu regardes Daria, t'as vraiment tout ce qui se fait de mieux dans le son et le visuel des années 90. Bien, on fait tout l'épisode et on parle comme ça. Petite conclusion. La conclusion pour moi, c'est que les Smashing, ça restera toujours un groupe. De cœur, donc pour les anciens albums, mais ça restera toujours un album, enfin un groupe pardon, de continuité, parce que c'est un groupe que j'ai toujours continué à écouter, même si ce qu'on a dit avec Théo, etc., genre, sur la suite, etc., il y a toujours un truc que je trouvais intéressant dedans, tout le temps. Donc je continuerai à écouter. Je crois j'ai écouté donc évidemment les albums Machina que je trouve hyper cool et Money of Energy qui était un album récent qui est le dernier album avant le dernier qu'on enregistre aujourd'hui 2014 ouais qui est sorti aujourd'hui qui est sorti aujourd'hui donc moi j'avais écouté aussi et évidemment il est classique mais bon ça je pense que c'est pas évident pour tout le monde. Bah très bien ouais. C'est une belle conclusion. Moi, je dirais que j'ai beaucoup réécouté les Smashing durant cette semaine et c'est vrai qu'il y a des mélodies qui me semblent un peu enfermées dans une époque quand même. Ouais. Même si j'adore ce groupe et j'écoute. J'ai un peu écouté les derniers, mais pas trop. J'étais arrêté à Zeitgeist vraiment, mais en réécoutant Melancholy, il y a des chansons que c'est vraiment ancré dans le temps. T'écoutes ces chansons-là, c'est un peu. C'est pas forcément intemporel. En fait. Mais oui. Au fait. Un peu intense, un peu dark, énervé, tout ça. J'aime bien le jeu de grade de notre ami Patrick. Patrick William. Ouais, c'est ça. Et moi je rebondis là-dessus. C'est parce que c'est beau, que c'est simple. Un premier album, très très beau. Un deuxième album. Bien foutu quoi. Parfait. Vraiment que, franchement, si t'aimes un tout petit peu le shoegaze, si t'as un petit peu écouté des post-rock, c'est qu'en même temps, ça te fait pas peur d'entendre les grosses guitares plombées, te rappeler des années 90. C'est vraiment parfait. Melancholy, je le conseille à des gens pour lui tourner la tête. Pour toi, il est trop scolaire. Et le reste, je conseille à personne. Voilà. Moi, je pense que c'est trop bien de vous conseiller. Franchement, je pense que c'est un excellent groupe éphémère. Du s'arrêter pour quitte à faire d'autres choses. C'est marrant parce que je rejoins Théo là-dessus. Alors que j'écoutais beaucoup plus. J'écoutais beaucoup plus que lui. Ouais, je pense que t'es plus fort. Mais je sais pas, j'ai envie de me la jouer perso et me dire c'est le groupe qui m'a fait kiffer dans les années 90 et j'ai pas envie qu'il sorte de cette bulle là. Ouais. Vraiment, je suis un connard là. On a senti beaucoup de... C'est la nostalgie, c'est comme ça. Ouais, tendresse adolescente dans cette émission quand même. Il y avait beaucoup de Biactol. Non, ça va, j'étais pas trop goutonneux. Non, moi non plus. C'était une métaphore, comme un Justice for All tout à l'heure. Ok, franchement, tu comprends pas les métaphores. Tu comprends les métaphores et tout. Hein? T'as pas les métaphores. Mais t'as quoi? Les métalliforts. Les métalliforts, tu connais ou pas? Ah putain, voilà. Attends, on s'est donné, hein. On se retrouve bientôt, ouais. Allez, bravo pour le fini, je te pour le cinquième enregistrement final. Bravo nous. Et merci au frigo d'avoir tenu et conservé nos bières au frais.